chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais, courais vers ta maison. Libreville. Bonjour, président. Ceux qui sont dehors, bonjour à Libreville. Bonjour. À la cuisine, bonjour à Libreville. On peut commencer? Le frère Fabien vient transmettre ton message. On continue. Viens ici, mon cher, viens ici. Comment tu fais que les gens se tournent pas derrière tes regards? Voilà, dis-le maintenant. En fait, on disait. Dis-le bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour, Père Fabien. Et bonjour à Libreville. Bonjour, Libreville. Bonjour, Père Fabien. Bon, en fait, il y a un point qui se pose de nous, c'est le baptême. Donc, ceux qui n'ont pas encore ce baptême, au nom du Saint Jésus qui s'en arrête, demain doit aller dans nous. Donc, par conséquent, amener deux vêtements. Un vêtement pour l'assemblée. C'est vêtement blanc. Vêtement blanc. Non, c'est une erreur pour les femmes, les garçons pour venir en short, en kilote pour baptême d'eau. Demain, on va décider. Après. 10h, on boxe et puis on continue. Ok, donc baptême après la cérémonie. Voilà. Donc demain matin, je vais venir tout. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Vérifiez que donc votre téléphone soit fermé. Je n'ai pas terminé, c'est que les 4x4, à côté des 4x4, parce que c'est un peu loin. Donc, on ne peut pas transpirer, quoi. Donc, s'il marche aussi, ça va permettre de faire un peu le sport. Ça va lui faire du bien. Ma soeur, quand tu es rentrée hier, comment étaient les toilettes? Viens ici au milieu, viens. Celle-ci. Parle-nous, avant qu'on continue. Bonsoir. Bonsoir. Uh-huh. Bonsoir Libreville. Voilà. Bonsoir. Elle a compris là. Elle a compris. Quand je suis arrivée, je suis passée par le marché d'Akédé et de là j'ai eu l'envie d'aller aux toilettes. Oui. Et moi je n'ai même pas eu faire ça avant les habits. Oui. Quand je suis arrivée à la maison, c'était vraiment l'eau complètement. Oui. Et après et ça? J'ai fait ça pratiquement toute la soirée. Oui. Et je me suis sentie vraiment légère. À l'aise. Que le soleil te bénisse. Amen. Et quoi que j'accorde son témoignage ici. Avant de continuer dans la deuxième partie, première partie, nous avons vu l'enrichissement, comment le pasteur, les techniques d'enrichissement du pasteur. J'aimerais bien, si vous avez des questions, vous poser. Concernant cela d'abord, s'il y a des incompréhensions, ou bien si vous avez des témoignages de quand vous avez mangé, vous le dites aussi. Ou bien encore si vous avez des questions. Parce que je ne voulais pas que vous preniez les pasteurs en charge. Moi, je n'ai pas mangé l'argent de quelqu'un. Donc, si vous voulez, vous avez à leur dire, dites-leur maintenant. Avez-vous des questions? Oui, maman, prenons là-bas. Donc, d'abord, témoigner ce que le Seigneur a fait pour toi. Viens aussi ici. Viens témoigner ce que le Seigneur a fait aussi pour toi. Souvenez-vous, le Seigneur vous a fait cela pour que vous sachiez que le royaume de Dieu est venu vers vous. Bonjour. Ah, elle connaît déjà ça. Je veux témoigner la grandeur de mon Dieu dans ma maison, dans ma famille. On a fait un jeûne depuis vendredi à samedi. Vendredi soir, j'ai failli perdre d'abord une de mes filles, celle qui était assise ici là, Hélène. La noire là, qui était mince de corps là. Oui. Mm-hmm. Elle a vu la fièvre à un niveau. Elle nous posait la question, est-ce que vous ressentez comme moi, je sens là. Tu sens comment? J'ai la fraîcheur, je ne me sens pas bien en général. J'ai les maux de tête, j'ai dit reste tranquille, reçois pour toi. Je n'ai même pas compliqué, je lui ai dit seulement, reçois pour toi. Tu vas finir. Moi, je suis partie au travail. Hier, ici, celle que le serpent bougeait dans le vent, c'est ma petite fille. Mmh. C'est l'enfant de ma grande soeur. J'ai dit ici que pendant que je suis en train de parler, il y a même l'autre qui s'est commencé à bousculer. Oui, c'était elle. quand nous sommes arrivés à la maison sous la pluie, elle a eu les mains d'ici là jusqu'à la maison. Moi-même, je ne sais pas là où j'ai passé la nuit d'hier, ou c'est dans ma maison, ou sur les bras des anges, je ne me retrouvais pas. J'ai fait un sommeil comme un bébé de un mois. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ce que vous avez à dire, venez vous tenir, si vous dites. Et on continue. Nous sommes à Libreville, n'est-ce pas? Vous êtes libre. Alors, s'il n'y a pas, on continue. Oui, ma chère soeur. Voilà. Tu sais qu'elle est timide. En fait, je voulais. Son mariage lui dit que va là-bas devant. Je voulais que, parce que quand le frère Junior disait que j'avais un problème, un empoisonnement. Oui. Amen. Oui. Je peux le témoigner ici. Parce que le frère Junior, je l'avais déjà reçu. Mais on me l'avait montré au niveau de mon service. Oui. Et on m'avait montré même la personne, comment est-ce que j'avais laissé le reste du jus au frigo. Oui. Et je ne sais pas, on m'avait montré ce qui avait été mis à l'intérieur. Mais ça date. Mais ce que je voudrais un peu demander, parce que j'en ai parlé même avec notre frère Fulbert. Lorsque le frère Junior a commencé à entretenir 7 ans, et c'est comme ça comment il nous a demandé de faire un jeûne. Et lorsque je suis rentrée à la maison, c'est comme ça comment on me dit, je reçois qu'on me dit qu'il faut faire un jeûne de 3 jours. Je me suis levée, j'ai partagé avec monsieur. Et au deuxième jour, Je reçois que il y a d'abord on est dans un endroit, mais c'est l'enfant qui commence à rendre. Et moi aussi, je me mets à rendre. J'ai commencé à rendre dans le rêve. Et quand nous sommes arrivés ici hier, je suis rentrée par la cuisine, par l'arrière, j'ai partagé avec maman Félicité. Et le Seigneur est merveilleux. Pourquoi? Parce que après même que j'étais en train de rendre, c'est comme si on me disait que tu vois, ça va se passer par les vomissures. C'est comme si on était en train de me dire ça, que regarde, beaucoup de gens vont se mettre à rendre. Et quand je suis arrivée, je suis passée par la cuisine, j'ai dit à maman Facebook, que ah, maman, vraiment, je ne sais pas, hein, tout ce que Dieu fait est bon. Je me suis sentie la nuit, je me suis mise à rendre, je n'ai plus expliqué et tout. Et au même moment, quand nous sommes rentrés pour faire la délivrance, ça s'est passé comme ça. Amen. Amen. Et je vais témoigner, je témoigne parce que je sais que vraiment la délivrance, c'est comme le frère nous expliquait ici. Elle peut se passer aussi par des bâillements, par des pertes. Effectivement, tu as effectivement que ça s'est passé. Anormalement. Et tout de suite, quand il a parlé de ça, j'ai compris qu'il y avait un lien avec ce que j'avais reçu. Que quelque chose s'est passé parce que je ne pouvais pas comprendre pourquoi est-ce que je me suis mise à rendre dans un songe. Justement. Et je crois, parce que vraiment je crois et je suis convaincue que j'ai reçu ma délivrance. Amen. Tu as été bien délivré. Amen. Comme tu avais dit que non, il faut qu'on vous délivre bien. Parce que en tant que frère Junior, oui. J'ai aussi eu les mêmes problèmes de coulement de diarrhée. Parce que vraiment, si le taximan, je partais même pas le taxi, j'étais très mal à l'aise. J'ai aussi continué. Que Dieu vous bénisse. Oui, qui veut parler encore? Que Dieu vraiment vous bénisse. Oui, mon frère. Moi, c'est par rapport à... Dans les Écritures. Dans les Écritures. Oui. Parce qu'il y a un verset que les hommes de Dieu utilisent très souvent. Oui, lis-nous ça et puis on voit ce qu'il en est. Très souvent, mais... Malachi 3. Applaudissez pour lui. Non, tu peux fermer maintenant. Tu peux fermer. On connaît déjà. On est déjà traité. Ça, c'est ouvre. Ferme maintenant. On va commenter. Ouais. Voilà. Ouvrez maintenant. Prenez votre Bible. Ouvrez le livre d'Exode plutôt maintenant, chapitre 25, il va vous montrer quelque chose. Exode, le chapitre, bon, le chapitre 23, c'est bon, le chapitre 23. Oh, Exode, c'est le deuxième livre de la Bible, après Genèse. Au moins, là, vous ne pouvez pas... Dès que vous êtes dans Exode, chapitre 23 d'Exode. Notez ces versets-là et n'oubliez jamais ces versets. Notez également Deutéronome au chapitre 16. Donc, c'est les deux versets-ci. Gardez ça sur vous, même en vous. Au point aussi, un pasteur vient s'asseoir d'abord chez vous, vous prenez le verset, vous mettez à côté, vous pour le surveiller. D'accord? Donc, les deux passages que je vais vous donner là maintenant. Il dit Exode chapitre 23. Je vais vous donner le verset tout à l'heure là. Et Deutéronome chapitre 16, verset 13 à 16. D'accord? Deutéronome chapitre 16, verset 13 à 16. Ces deux passages, si on va lire cela, je vais vous expliquer parce que ça va dans la continuation de la première partie. Je veux surtout que vous gardez ce passage-ci et que chaque pasteur qui va au-devant de vous, vous prenez ça, vous mettez dans le côté pour attendre s'il va dans un tournant. Vous sortez ça, vous regardez, d'accord? Lisons d'abord Exode chapitre 23 là, prenons à partir du verset 14. Donc 14 à 15. Je vais lire. Exode chapitre 23, verset 14 à 15. Vous y êtes? Écoutez attentivement. Trois fois par année. Soulignez ça. Trois fois par année. Trois fois par année. Par année. Tu célébreras la des fêtes en mon honneur. Dieu prescrit trois fêtes spéciales qu'on doit célébrer chaque année en son honneur. Verset 15. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé. Donc il y a un temps pour cela. Dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai ordre. De quoi? Donner l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Dans le calendrier juif, on appelle ça le mois d'Abi ou le mois de Nissan. Vous entendez le mois de Nissan, donc entre mars et avril. D'accord? C'est le premier jour, le premier mois de calendrier juif. Si vous lisez Exode chapitre 12, il a dit ce mois-ci que vous sortez là, pour vous, ce sera comme c'est le premier du mois. Alors maintenant, il dit ce mois que tu es sorti d'Égypte. Maintenant, le dernier volet, c'est « Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. » Je veux que vous souligniez cette phrase, cette fameuse phrase. Vous avez vu là où le pasteur vient tirer, non? Donc, voilà là où on tire maintenant. Quand on tire comme ça, il faut vérifier maintenant ce qu'on est en train de dire pour comprendre ce que Dieu dit là-bas. Afin que vous ne fassiez pas n'importe quoi parce qu'on vous a dit. Regardez. Première chose, Dieu dit... Dans quel contexte on ne doit pas venir devant lui les mains vides? Ça c'est un. Il dit c'est trois fois l'année. Lors des trois grandes fêtes qu'on devrait célébrer à Jérusalem. Parce que ces fêtes, ça ne se célèbre qu'à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem qu'on a fait, que Dieu a fait résider son nom. Dans le temple, le lieu que l'on Salomon avait bâti. C'est seulement là-bas que Dieu a fait résider son nom sur toute la terre. C'est là-bas que les Juifs, enfin, vous allez voir à la Pentecôte. On dit que de toutes les nations, les Juifs se comptaient de toutes les nations pour aller à Jérusalem. Quand Jésus était enfant, à l'âge de 12 ans, il y est monté également avec sa maman. Jusqu'à ce que les mamans sont parties, ils ont fait trois jours sans le voir, on est venu le trouver au temple, qu'il était au temple en train de parler. Parce que quand il finissait, il rentrait, chacun rentrait dans sa nation, dans son territoire, vous voyez. Mais chaque année, on partait pour la fête des Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des tabernacles et la fête de la Pâque. Parce que la Pâque et le tabernacle tombent au même moment. Vous comprenez? Et la fête des tabernacles, la fête des huttes, si vous voulez. Maintenant, écoutez très attentivement. Durant ces trois grandes fêtes qui se célèbrent à Jérusalem, Dieu dit, au courant de l'année, il vous a béni. Vous n'allez pas venir le même vide, parce que c'était les fêtes de réjouissance. On ne venait pas vous donner à quelqu'un, on venait pour manger là-bas. Vous comprenez? On ne venait pas pour donner aux sacrificateurs ou aux pasteurs qui sont là-bas. Dans ces fêtes-ci, vous venez vous réjouir, c'est les fêtes de réjouissance. vous venez avec votre famille, chacun trouve sa maison, comme vous avez vu à Jérusalem, là, chacun met ses mains en communauté, vous asseyez, vous préparez vos nourritures, vous mangez, vous célébrez la fête de l'Éternel. C'est comme ça qu'on célébrait. C'est pas qu'on venait avec le même, on ne venait pas avec le même plat pour le donner à quoi au pasteur. Ça n'a rien à voir. Donc quand le pasteur dit qu'on ne vient pas chez le serviteur, chez Dieu le même vide, vous allez voir encore une fois de plus, dans ce contexte-ci, dans la Bible, c'était normal que ça se passe ainsi, mais dans notre contexte, ça n'est plus possible. Je vais vous expliquer pourquoi. Frère, toi et toi, lève-toi, les deux là, de l'autre côté, levez-vous, tenez-vous seulement debout. Non, toi avec la soeur là, oui. Les deux deuxièmes, c'est là, toi ici avec ta voisine, lève-toi. Oui, avec elle. Frère, toi aussi, lève-toi, celui-ci. Voilà. Regardez, il y a combien de groupes? Trois groupes. On va supposer que celui-ci, le groupe se trouve à Franceville. Ceux-ci se trouvent à Oyem. Maintenant, ceux-ci sont à Brazzaville, au Congo. Ils sont en train de prier Dieu au même moment. Où est-ce que Dieu se trouve à ce moment-là pendant qu'il prie? Au milieu d'eux. Donc à Oyem, Franceville, Brazzaville. Là où ils sont en train d'invoquer le Seigneur, il est là. Maintenant, c'est que l'ancien cas où vous avez des problèmes. Parce que Jésus, justement, a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu. Vous avez vu le problème, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que si le pasteur prend ses versets, c'est pour dire, on ne se présente pas devant le Seigneur le même vide. Lorsque les deux se préparent déjà à vouloir parler au Seigneur, il est au milieu. Comment ils vont faire pour ne pas avoir le même vide? Donc, dans ces conditions, ils doivent donner les offrandes là-bas. Dans ces conditions, ils doivent donner les offrandes là-bas. Dans ces conditions, ils doivent donner les offrandes là-bas. Parce que s'ils prennent le contexte qu'on ne se présentera pas devant le Seigneur le même vide, là, devant, ils sont devant le Seigneur. Là, ils sont devant le Seigneur. Là, ils sont devant le Seigneur. Et il a dit, là où deux ou trois sont rassemblés, je suis là. Et là, c'est devant lui. Veuillez vous asseoir. Vous voyez le problème? Dans le contexte juif, il leur avait dit clairement, de façon explicite, que lorsque vous serez entré dans le pays que je vous ai donné, vous n'allez pas faire n'importe comment avec ces fêtes-ci. C'est seulement au lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom que vous allez faire. C'est pour ça que dans le contexte, ils devraient venir là-bas avec des choses pour se réjouir. Vous comprenez cela? Maintenant, pour le contexte de la Bible, dans le Nouveau Testament, Philippiens chapitre 4, verset 2 dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc tous les chrétiens doivent se réjouir. Mais on ne se réjouit pas comme les juifs se réjouissent, parce qu'ils se réjouissent dans trois fêtes bien déterminées. La seule fête qui est pour les chrétiens, c'est la fête de la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on ne le fait pas à Jérusalem. Il a dit que tout Israël doit célébrer la Pâque, donc nous célébrons la Pâque. Donc c'est vrai qu'on dit que si un pasteur prend ses versets, c'est pour vous dire qu'on ne vient pas chez le serviteur de Dieu, le même vide, ou voir l'Éternel, le même Dieu me vide. Dit que ce pasteur, tu manques parce que Dieu ne se trouve pas chez toi. Il a dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Il est au milieu. Vous comprenez? Ça veut dire que quand tu pries avec ta femme à la maison, Dieu est là, non? Vous avez donné l'offrande à qui? Vous avez donné l'offrande à qui? C'est ça, si vous comprenez. Chapitre 16, maintenant, de Deutéronome. Chapitre 16. Donc, on est arrivé avec notre frère, avec Malachi, chapitre 3. Je crois que le premier jour où on a posé la question, c'est-à-dire, on a bien commencé. Dieu a bien fait de nous donner qu'on commence plutôt là-bas. C'est là où on dit comme ça, souvent, tu entends malédiction sur ça, tu dis que, hey, ici. Si, il ne fait pas ici, maudit. Ne prenez pas ces choses pour aller confronter les pasteurs. Ceux qui vont, les esprits qu'ils utilisent, ils vont utiliser ça pour vous faire du mal. Quand vous comprenez la vérité, la première chose que Dieu attend de vous, c'est que vous viviez d'abord la vérité. Vous l'assimilez pour vous-même. Vous restez calme. Quand vous venez vous poser des questions, balancez les 240 volts. D'accord? 240 volts. Quand ça va le prendre, il va comprendre que maintenant, tu n'es plus dans l'ignorance. Et quand vous allez dire la vérité, vous finissez, vous lui dites que frère, répands-toi de cette voie-là. C'est la voie de cupidité. La fin, c'est la perdition. C'est la voie de Balaam. Tu as choisi de vivre dans la richesse, dans l'opulence. Quitte cette voie-là, répands-toi. Il va bloquer ton numéro. Deutéronome chapitre 16, à partir du verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir. Vous avez vu? Verset 14. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Vous avez le pasteur dedans? Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il que choisira l'Éternel. Soulignez cela. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains et tu te livreras entièrement à la joie. Vous avez vu ce qu'il en est, non? Donc il s'agit d'une fête familiale que vous fêtez devant Dieu. Ce n'est pas pour venir donner ça à quelqu'un, c'est vous-même qui mangez. Verset 16. Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu. On ne dit pas n'importe où. Dans le lieu qu'il choisira. Soulignez encore ce mot. Tout au milieu de l'assemblée aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est pour l'argent. Tu as ta petite fille qui a accouché, on dit qu'il faut venir la présenter devant le Seigneur. Tu demandes au pasteur, où est-ce que vous allez chercher ce genre de choses pour venir faire comme abomination? Tu accouches d'une fille, on dit qu'il faut payer l'argent de ça pour qu'on le consacre au Seigneur. Ne faites pas de telles abominations. Ne faites pas cela. Les enfants qui étaient présentés au Seigneur, ce sont les enfants premiers-nés mâles. C'est seulement eux qui étaient présentés. Quand vous présentez comme ça, vous donnez les tourterelles pour cela. Vous donnez les pigeons. On dit que vous convertissez votre pigeon dans l'enveloppe. Est-ce que les pigeons entrent dans l'enveloppe, mes frères? Les pigeons entrent dans l'enveloppe. Vous comprenez ce qu'il doit rentrer dans l'enveloppe, non? Il dit que vous pouvez convertir votre pigeon dans l'enveloppe. Pasteur Cupide. Il dit, verset 16 encore, trois fois par année, tous les mâles. Vous avez vu, on dit tous les mâles. Tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. J'ai pris ceci, j'ai d'abord lu le premier, avant de lire ceci, parce que dans un contexte, ça a un sens. Vous allez comprendre que finalement, ce n'est pas n'importe qui partait avec cela. On s'adressait spécifiquement aux gens qui sont de sexe masculin. Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. Vous y êtes à la fête des pains sans levain, hein, parce que le voilà, trois fois, parce que la pain sans levain a sa période. À la fête des semaines, deux. Et à la fête des tabernacles, trois. Voilà les trois grandes fêtes qui se célèbrent à Jérusalem. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains. Qui se présente devant l'Éternel en ce moment-là? Les mâles. Dans ce cas, vous, les femmes, comment on peut vous manipuler comme ça? Je veux que vous me dites. Vous me répondez alors, quand les pasteurs disent, on ne vient pas vers le serviteur, le même vite. Voilà ce qui est écrit là-bas. Vous avez vu à qui on s'adresse, non? Oui. Pointe quelqu'un dans le nez. Dis, tu es délivré aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Donc, Malachie, chapitre 3 ne s'adresse pas à toi, ni à moi, ni à aucun de nous ici. En résumé, donc il y a cela dans l'enseignement, tu auras le temps d'écouter. En ce moment, quand tu vas crier, tu seras à la maison seul pour crier. Et maintenant, là, tu vas dire qu'il y a tant le pasteur là ici. Si vous voulez bagarrer, vous bagarrez, vous déchirez, après vous réconciliez. Donc, Malachi chapitre 3 s'adresse à une nation. Il dit, vous me trompez dans les dix des offrandes, la nation toute entière, la nation d'Israël à qui la loi a été donnée. Il devait apporter les dîmes et les offrandes dans sa maison à Jérusalem, dans la chambre des maisons de trésors. Dans le temple de Jérusalem se trouvait le lieu où on devait mettre les vêtements sacrés. Il y avait une chambre pour ça spécialement. Il y avait un lieu qu'on appelle le magasin aujourd'hui. Quand on apportait la nourriture, là où on déposait, on appelait ça la chambre des maisons du trésor. On doit apporter là-bas. C'est là-bas que les nourritures qu'on apportait étaient déposées. Dans ces chambres-là qui étaient vides, ils allaient envoyer la malédiction sur le pays. Les gens cultivaient, les semences ne donnaient plus. Comme Joël le dit, il a dit, il est Jérém, le Gazim et le Hazim ont mangé vos récoltes parce que vous avez oublié ma loi. Alors il a dit, apportez donc à la maison du trésor pour qu'il y ait la nourriture, pas l'argent, pas les CFA. Il n'a pas dit apportez au compte en banque. Il a dit la nourriture dans ma maison. Le seul lieu où se trouve sa maison, c'est à Jérusalem. Il n'y a pas deux maisons de Dieu sur la terre en dehors des croyants. Amen. Amen. Hébreux. Courage, d'accord? On va lire maintenant, vous allez voir ce que c'est que la maison de Dieu, d'accord? Je veux que vous criez ça à haute voix, jusqu'à ce que même là où les personnes là écoutent. Là, ils sont là, s'ils sont dans la vision, ils entendent la vision. C'est, ils ne sont pas la maison de Dieu. D'accord? Vous allez crier maintenant parce que les pasteurs là, où ils se trouvent là, où ils ont mangé votre argent, ils vont recevoir une révélation que vous avez reçu la révélation. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Quand vous ouvrez votre Bible, vérifiez que c'est la personne à côté de vous a ouvert. S'il n'a pas ouvert, aidez la personne à trouver rapidement. Hébreux chapitre 3. Nous sommes dans la deuxième partie. Je vais maintenant toucher un transsoir peu et dans cette deuxième partie, je vais prendre les questions. Certaines questions qui sont référées. Nous sommes dans la deuxième partie des techniques d'arrestement des pasteurs, pasteurs voleurs. Hébreux chapitre 3, lis-nous le verset 6, mon frère, à haute voix. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Encore, sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. On a dit clairement que la maison de Dieu, c'est qui? C'est nous. Mais c'est quand même curieux que vous lisez comme ça dans la Bible, vous courez, dites, il m'en vais dans la maison de Dieu. Le passé vous dit que le passé vous dit on ne vient pas dans la maison de Dieu les vies, les mains vides. La Bible dit la maison c'est nous. Le passé lui dit on ne vient pas. Il n'y a pas deux maisons de Dieu sur la terre, mes chers amis. Il n'y en a pas deux maisons de Dieu sur la terre. La maison de Dieu c'est nous. Voilà, la maison de Dieu c'est nous. Je fais que vous répétiez comme ça pour que ça reste dans vos têtes, pour que personne, même si dans le songe, il vient vous donner les révélations que vient de la maison de Dieu, dans le songe, vous le chassez au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que Moïse a été fidèle comme serviteur sur quoi? Dans sa maison. Il dit que mais Christ l'est comme fils sur sa maison. On ne dit pas que c'est sa maison est à Jérusalem. On appelle sa maison, ce sont les églises. Il dit sa maison, c'est nous. Donc la maison de Dieu, c'est qui? Ouvrez 1 Corinthiens. Chapitre 3. Lis à partir du verset 9. Lis pratiquement le verset 9 d'abord, mon cher. À haute voix. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Oui. Vous êtes le champ de Dieu. Dites, nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Oui. L'édifice de Dieu. Je suis l'édifice de Dieu. Je suis l'édifice de Dieu. Vous voyez que chaque fois, l'image de la maison se réfère à chaque fois aux êtres humains, n'est-ce pas? L'image de la maison se réfère aux êtres humains, ceux pour qui Christ est mort. L'édifice, c'est un symbole de... Quand on parle de l'édifice, vous voyez bâtiment. Donc, dans votre Bible, là, maintenant, écoutez très attentivement. Dans votre Bible, là, il n'y a aucun endroit où de près ou de loin... où la Bible appelle l'église votre bâtiment que vous avez aujourd'hui. Chaque fois quand la Bible va parler de l'église, ou bien de ses synonymes, il parle des croyants. Il n'y en a pas un seul verset depuis l'Ancien Testament ou le Nouveau, où les croyants sont appelés, le bâtiment est appelé l'église de Dieu. C'est seulement les croyants, les êtres humains qui sont appelés l'église. Il n'y a pas, je recommence encore, il n'y a pas un seul verset qui se réfère à l'église comme étant un lieu. Mais vous demandez à n'importe qui, même aux savants qui sont là-bas, même aux linguistes, verset dans la stylistique, vous allez demander que l'église c'est quoi? Il va dire étymologiquement, église vient de deux mots grecs, ek, ecclesia, qui veut dire ecclesia, c'est-à-dire appelé hors d'eux. Vous dites, qui sont ceux qui sont appelés hors d'eux? Il dit, c'est l'assemblée. Et donc, dans ce cas, comment tu peux dire qu'on part à l'église? Parce que l'église sont ceux qui sont appelés hors d'eux. Et vous dites donc, je m'en vais à l'église. Qu'est-ce? Pointe quelqu'un dans le doigt. Tu dois être délivré. Cesse de dire des bêtises. On ne dit pas je m'en vais à l'église. L'église ne va pas à l'église. Voilà. Il faut que le langage change, d'accord? Donc vous voyez que même le langage des pasteurs sort de mon église, ça n'a pas de sens. Quand vous dites que je m'en vais à l'église, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme je vous ai dit, c'est un peu comme quand vous dites je me suis baptisé par immersion. Ça n'a pas de sens. Parce que le mot baptême veut dire déjà immersion, immerger, plonger dans. Quand on dit Jean baptisait, on dit qu'il plongeait les gens. Donc l'acte qu'on te plonge veut dire qu'on t'a baptisé. Donc on dit que je me baptise par immersion. Il n'y a pas deux styles de baptême. Si on vous donne la Bible, c'est que baptiser, ça suppose que plonger, immerger. On ne peut pas que j'ai plongé ça en plongeant. On plonge en faisant quoi? Est-ce qu'il y a deux façons de plonger? Quand on dit plonge, on dit immerger pour que toute la surface soit à l'intérieur d'un liquide. Et donc là, quand on fait ça, on dit que tu as été baptisé. On ne dit pas je me suis baptisé par aspersion. Vous pouvez baptiser ça, vous pouvez plonger ça en aspergeant. Pointe encore quelqu'un. Il dit il faut parler le langage biblique. Voilà. Et faites toutes ces choses, vos pensées seront renouvelées. Tu vas dire chaque fois, je ne voulais pas dire église. Il faut que ça sorte, d'accord? Vous comprenez? Alors, il faut qu'on fasse ce que la Bible dit. On doit faire ce que la Bible dit. Alors, nous voyons que Dieu a donné des choses. Dans la loi, il a donné des choses comme image des choses qui devaient venir. L'une de ces choses est présentée dans le livre d'Hébreux au chapitre 3, où on compare Moïse qui était serviteur sur les gens de Dieu dans l'ancienne alliance. Maintenant, on compare à Christ qui l'est maintenant sur sa maison. Et on dit sa maison, c'est nous. Dans ces 1 Corinthiens chapitre 3, on commence à appeler les chrétiens le champ, l'édifice. Vous voyez cela? Continuons. Vous allez voir que dans cette phrase du verset 9 jusqu'au verset 13, on va utiliser peut-être quatre appellations des mêmes personnes. Champ, édifice, temple, vous voyez? Allons-y. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Oui. Et un autre bâti dessus. Ouais, on voit encore l'image de quelqu'un qui vient de vouloir construire une maison. Mm-hmm. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Mm-hmm. Car personne ne peut poser un autre fondement, oui, que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Oui. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, mm-hmm, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du côme, du chaume. Du chaume. Mm-hmm. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Soulignez. Vous voyez très bien que ce n'est pas fortuit que l'esprit insiste de cette façon. Parce qu'on n'a pas compris ça, c'est ici les gens de ce siècle, personne ne connaît le langage de Dieu. Je m'en vais à l'église. Tu ne pars pas à l'église dimanche. Vous voyez que finalement les païens qui sont à la maison qui ne partent pas, ils vous dépassent normalement. Ils ne sont pas embrouillés. Alors il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous devrez savoir que vous êtes le temple de Dieu. Il veut que vous m'expliquiez comment un temple peut entrer dans un temple. Expliquez-moi aussi. Il veut que vous m'expliquiez seulement si un temple peut entrer dans un temple. Vous pouvez porter une maison, mettre sur une autre maison. Alors quel est le problème alors? Vous savez maintenant que vous êtes le temple de Dieu. Prenez quelqu'un dans le doigt. Dis-lui que si tu es le temple de Dieu. Si tu es le temple de Dieu. Il n'y a pas un autre temple quelque part. Il n'y a pas un autre temple quelque part. C'est toi seul le temple de Dieu. C'est toi seul le temple de Dieu. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Alors maintenant, ça veut dire que vous comprenez donc que si quelqu'un vous dit de bâtir le temple de Dieu, c'est un ouvrier d'iniquité. Parce qu'il n'y a pas deux temples de Dieu sur la terre au même moment. Dans l'ancienne alliance, il y avait un seul temple. Il n'y a pas, Dieu n'a pas des temples sur la terre. Il y a un seul temple. Et le seul temple que Dieu agréait dans l'ancienne alliance, c'était à Jérusalem. Tout à l'heure, venez lire que ce n'est pas n'importe où il doit aller célébrer les fêtes. C'est à Jérusalem, là où il a fait. C'est pour ça qu'il demandait que vous souligniez. Il n'y a pas deux endroits. Là où il a fait résider son nom. Si tu dis non, Jérusalem est loin, je peux faire pour moi ici. Ça, tu seras de faire ton culte. C'est pour ça que c'est à lire, à voir avec l'adoration. Tu pars exactement au lieu où Dieu a voulu. Même si tu étais un peu comment, l'année, le rendez-vous devait se trouver là-bas. Parce que ce n'est que là-bas qu'il agrée. Toute autre personne qui... C'est là où on va toucher les synagogues tout à l'heure, la synagogue. Toute autre personne, toute autre façon de faire. Quand vous faisiez n'importe quoi, il dit ce peuple mono des lèvres. Mais le commandement, la crainte qu'ils ont de moi, c'est le commandement d'homme. Donc ils ont construit leur synagogue. C'est pour ça que la Bible déclare, Jésus dit, ils vous excluront de leur synagogue. La synagogue, c'est pour eux. Le temple, c'est le temple de Dieu. Deux choses différentes. C'est n'est-ce pas? La synagogue, c'est la synagogue des Juifs. Le temple, c'est le temple de Dieu. Parce que ça a été ordonné. Avec une vision que Dieu a donnée à Moïse, qu'on devrait mettre ça en pratique. Vous savez, n'est-ce pas? La synagogue n'est jamais venue de Dieu. Mais c'est une imitation qu'ils ont eue à Babylone. Quand les Juifs ont été déportés à Babylone. Pour ne pas oublier leurs coutumes, dans la Babylonie, en Mésopotamie. Quand on les a amenés là-bas. Ils ont vu comment les Babyloniens avaient leur lieu de culte aussi comme ça. Ils ont aussi conformé pour eux, comme ils avaient la liberté religieuse. Chacun a commencé à faire dans chaque ville leur lieu de rassemblement pour venir se rassembler là-bas. Quand ils sont rentrés encore dans de la captivité, ils sont venus avec ces mêmes choses-là instituées chez eux. Quand ils partaient en captivité, il n'y avait pas ça chez eux. Ils sont allés en captivité, ils ont vu ça chez les gens. En rentrant, ils sont rentrés avec. C'est pour ça que quand vous sortez de domination, vous devrez être nettoyé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les Juifs sont sortis de la Babylonie en captivité. Ils sont venus de la captivité avec les choses de la captivité. Venez instituer ça en Israël. Et ça a produit... Je veux que vous m'écoutez très attentivement. Avant qu'ils ne partent de Jérusalem, de la Palestine, pour la captivité, tous les Juifs n'avaient qu'un seul temple. C'est le seul lieu où ils allaient se rencontrer. Quand ils sont allés en Babylonie, ils sont rentrés, il y avait maintenant les pharisiens, les sadducéens, les hellénistes, les Syriens. Donc vous voyez que les dénominations s'étaient formées. Parce qu'ils sont allés en captivité. De la même façon, quand l'église catholique a pris sous Constantin en 312 ou 325, ils ont pris sous lui la coupe de la Bible de pouvoir réorganiser les choses chrétiennes. À cet instant, l'église est entrée dans Babylone. C'est pour cela que la Bible déclare « Sortez du milieu de mon peuple, ne touchez pas à ce qui est impur. » Dans la prochaine, je vous disais, elle est tombée. Babylone la grande, celle qui enivre la terre de toutes ses sorceries, son enfantillage, son ensorcellement. Donc, dès que l'église a commencé à sortir, écoutez très attentivement. Quand l'église a commencé à sortir de la captivité sous Martin Luther, où Luther est sorti avec la réforme, vous comprenez cela? Les 95 textes qu'il a donné les catholiques, sortant de là, on est en captivité ici. Quand ils sont sortis, je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis luthérien. Vous avez vu cela? Même chose qui s'est passé chez les juifs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand ils sont institués maintenant, pourtant, avant que l'église catholique soit là, avant que les chrétiens partent en captivité, regardez les actes des apôtres, vous ne verrez nulle part, je suis je suis. L'apôtre Paul va écrire ça dans 1 Corinthiens 13, 3. Il dit que quand l'un dit, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis de Apollos, qu'est-ce que Céphas, qu'est-ce que Paul? Où est-ce là? Donc en fait, tous étaient seulement, ils s'appelaient chrétiens. Partout on voit les gens dire que hey, ceux-ci, on les appelle chrétiens parce qu'ils sont les disciples, ils veulent vivre comme Jésus. C'est comme ça qu'on les reconnaissait. Mais aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un, il dit, mais tu es de quelle église? Une question qui n'a pas de sens. Tu adores où? Je suis de l'alliance des dieux. Nous sommes l'église, l'âge des dieux. Dieu a dit que son âge, il y a un moment où on peut se souvenir. Vous vous êtes souvenu aujourd'hui là. Je suis de l'église man caché. Donc la man caché qui avait péri dans le trou d'Aaron là. Toi, tu as retrouvé. Non, nous sommes l'église des rachetés. Donc tout le monde entier. Quand il n'y a pas de racheté encore, c'est vous êtes seulement de racheté. Non, Jésus revient bientôt. Donc c'est justement chez vous qu'il a dit qu'il revient bientôt. Dis à ton pote, prends quelqu'un. Dis que tu dois sortir de cette prison. Tu dois sortir de cette prison. Voilà. Amen. Soyez chrétien tout court, mais soyez vrai chrétien. Vous savez, n'est-ce pas? Ne portez pas d'extampille. Vous mettez un autre nom, vous vous éloignez du Seigneur Jésus. Parce que mettre un nom, ça veut dire que c'est créer des sectes. On a bien vu ça aussi dans la deuxième partie, dans la première partie. Ils introduiront des sectes. Parce que quand il vit avec un nom, il ne peut pas mettre un nom que Satan guérit. Il faut qu'il prenne un verset biblique. C'est ça qui fait que vous croyez que ça vient de Dieu. Parce que Satan peut prendre n'importe quel verset biblique ici. Il dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous effacez ça là-bas, ça se trouve dans la Bible. Ce n'est pas le fait qu'il ait mis ça là-bas qui fait que ça soit biblique. C'est ce qu'on doit faire. On doit faire les choses selon la Bible. Quand Moïse a écrit le temple, il n'a pas dit que vision du monde céleste de Morija. Il n'a pas écrit ça. Il a tout simplement réalisé ce que Dieu lui a montré de réaliser. Et Dieu accomplissait ces miracles là-bas. Donc, quand vous mettez église D, quand vous allez mettre comme ça, c'est là on va faire que ça soit de Dieu. Ce n'est pas ça dont il est question. Parce que la Bible montre que ça ne se trouve pas dans la Bible. Or, vous imitez en ce sens-là les pharisiens qui disaient que nous sommes des pharisiens, c'est-à-dire séparés. Pourquoi vous séparez là-bas? Parce que nous ne sommes pas d'accord. Le simple fait qu'il y ait ce point de discorde montre que Dieu ne peut pas fonctionner dans la division. Vous savez, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Plus nous sommes 1 Corinthiens, rentrons chapitre 1, verset 10. Là maintenant. Je vous exhorte, oui, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Stop. Regardons très bien, on fait une réunion. Je vais qu'on guette. Regardez bien ces versets devant vous. Pendant qu'on lit. Voici une chaise où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et prends seulement cette lignée-là, 7 personnes. Ouais, le premier, il est témoin de Jéhovah. Le deuxième est catholique. Le troisième est adventiste, septième jour. Le quatrième est l'église, nous marchons avec les pieds nus. L'autre, c'est l'église de Jérusalem céleste. L'autre, c'est Jésus qui revient bientôt. L'autre, c'est entrer pauvre, sortir riche. Quand ils sont comme ça. Quand ils sont assis comme ça dans une réunion, qu'est-ce qu'ils ont en commun dans leurs mains? La Bible. Ok, maintenant, si je pose la question au premier. Témoin de Jéhovah. La Bible parle des témoins de Jéhovah ici dedans. La Bible parle des églises témoins de Jéhovah. Ça veut dire qu'il est disqualifié avec la Bible. La Bible qu'il a entre les mains le disqualifie. On continue. Catholique. L'église parle, la Bible parle de l'église catholique. Il est disqualifié. À partir du septième jour, enfin, je continue comme ça. Tous sont disqualifiés avec la Bible entre les mains. Antioche, la Bible déclare, c'est pour la première fois à Antioche que les disciples du Seigneur ont été appelés chrétiens parce qu'ils avaient vu qu'ils suivaient Christ. On ne les a pas qualifiés de l'église D. Vous savez, n'est-ce pas? Quand on dit église D, ça fait la secte. Donc toute dénomination est une secte. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis dans une dénomination alliance, mais quoi? Assemblée de Dieu vrai et vivant. La vraie église. Quand on dit la vraie église de Dieu, ça certifie que vous êtes vraiment vrai, vrai dans la fausse église. Parce que ce n'est pas l'appellation vraie église qui fait de vous que vous soyez vrai. Ce qui fait de vous que vous soyez vrai, c'est que la vérité confirme votre véracité, votre vie. Ce n'est pas en extampillant de la vraie qui montre que vous êtes vrai. Puisque ici, là, l'intérêt s'y trouve des sorciers. Des anciens d'église qui sont des francs-maçons. Le pasteur lui-même est un commandant de l'ordre des Templiers. Et ils ont la Bible. Dis à quelqu'un, cessons de faire le faux. Cessons de faire le faux. Vivons vraiment vrai. Dans la vérité. Voilà, vous êtes d'accord? Que vous ne soyez pas d'accord, c'est la Bible qui le dit. Et que vous ne voulez pas, vous allez confronter ça plus tard. D'accord? Vous devez mesurer aujourd'hui votre. Si vous voulez rentrer encore, allez vous manger votre vomissu, c'est votre problème. Je vous ai dit la vérité. Vous devez voir ces gens-là comme votre ennemi. Parce qu'ils ne sont pas là pour faire du bien à vos âmes. Je vais prendre encore notre aspect maintenant. On s'est arrêté dans 1 Corinthiens chapitre 3, il a dit que ne savez-vous pas, donc vous devez savoir cela. Ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Vous devez savoir que vous êtes le temple de Dieu. Donc personne sur cette base-là ne doit vous demander de construire un temple. Maintenant, d'où tire-t-il ces choses-là? Il tire par le mélange. Vous regardez très attentivement. Et là encore, une fois de plus, si vous réfléchissez, vous allez voir qu'on vous a seulement bêtement entraîné. Quelqu'un ouvre la Bible. Il ouvre la Bible dans l'une des deux chroniques. Il voit comment Salomon dit tous ceux qui amenaient pour voulaient construire le temple de Dieu, amenaient les choses dans le puits, d'autres apportaient l'or et autres là-bas. Vous lisez ça. Il s'arrête là-bas. Vous devez poser la question, pourquoi le temple est construit? Qui l'a ordonné? Le temple devrait être construit même par David. C'est David qui a eu l'inspiration de construire. Dieu lui dit non. Là, tu as versé du sang. Tu n'as pas construit. Il dit, écoutez très attentivement. Il donne une prophétie de la venue de Jésus et de l'église qu'il va bâtir. Il dit, c'est celui que j'aurais choisi. Ton fils qui sortira du terrain, qui construira, je lui bâtirai une maison stable. Vous voyez, il parle de l'église. Parce que la maison dont Salomon avait bâti ne se trouve même plus à Jérusalem. Donc ça ne peut pas être la maison stable dont parlait la prophétie. Il dit, je serai pour lui un fils, un père, et il sera pour moi un fils. Il parle de la relation entre lui et le Messie ici. Donc à David, il a promis donc un fils qui sortira du terrain, qui bâtira une maison stable appelée l'église, Ecclesia. C'est ça, n'est-ce pas? Mais pour que ces choses-là se manifestent sur le plan physique, pour que physiquement il voit cela, il a donc donné le lieu que Dieu a adgré en son nom, à Jérusalem. Ce lieu-là s'appelle le temple de Jérusalem, le monde des temps où, là où il y a la mosquée d'Al-Aqsa maintenant. D'accord? Maintenant, écoutez très attentivement et je veux que vous notez ceci. Le temple de Jérusalem prophétisait le corps de Jésus. Je veux que vous notiez cela, pour que je vous dise quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, Jésus a aussi entré dans les synagogues. Il y avait le temple à Jérusalem. Pourquoi ne pas construire le temple aujourd'hui? On ne fait pas un culte à Dieu par notre propre intérêt, par notre propre pensée. Dieu doit ordonner ce que vous devez faire. Salomon ne s'est pas levé lui-même pour construire le temple. Parce que Dieu a dit que c'est le fils qui est sorti du terrain qui va le bâtir. Toi, tu ne dois pas le bâtir. Vous voyez que David avait tout d'abord une volonté. Il avait les moyens physiques pour le faire, mais Dieu a interdit de le faire. Il ne devait pas toucher cela. Parce qu'en réalité, le corps de Jésus n'est pas venu avec le sang humain. Vous comprenez cela? Donc David, comme il a touché le sang, il ne peut pas faire prophétiser le temple de Jésus. Alors il a dit, c'est un fils qui est sorti de terrain qu'il va bâtir. Donc le temple de Jérusalem, le temple des Juifs là, symbolisait le corps de Jésus. Malachie. Ouvrez Malachie, chapitre 3. On ne va pas au verset 10, chapitre 3 toujours quand même. Parce qu'au moins là où le pasteur devait lire et comprendre bien ce que la Bible déclare. Malachie, chapitre 3. Malachie, le chapitre 3. Vous ouvrez Matthieu, vous rentrez directement le dernier livre. Au moins, on vous a sermonné avec ça de terre, que vous connaissez même le passage. Malachie, chapitre 3. Apportez à la maison de Dieu tous les dîmes. Vous vous êtes frappé par la malédiction. Vous me trompez dans les dîmes. Vous me trompez. Tu rentres à la maison, vous sentez que. Hein. Au point où les gens partent même faire des prêts d'argent pour venir donner. Les gens prennent l'argent de la cotisation pour venir donner. Prêt. Il y a la malédiction sur la tête des pasteurs, il vous le dit. C'est à juste titre que le Saint-Esprit les appelle les enfants de malédiction. Des fontaines sans eau, dont l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Malachie chapitre 3, vous y êtes. Maintenant, lis le verset 3, mon frère. Au chapitre 3, verset 1. Allons-y, écoutez très rapidement ce qu'il dit. Voici, j'enverrai mon messager. Oui. Il préparera le chemin devant moi. Oui. Et soudain, entrera dans son temps le Seigneur que vous cherchez. Stoppons là-bas, on va commenter. Il dit, voici, j'enverrai mon messager devant moi et préparera ma face. D'abord, un, qui a envie de parler? Vous avez moi. Mais c'est quand même curieux. Ça. Vous êtes fatigué? Non. Il dit, voici, j'enverrai mon messager devant ma face. Qui parle? Le Seigneur. Le messager qui va envoyer devant sa face, c'est qui? Tu parles? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Parce que quelqu'un doit venir devant lui pour préparer le chemin. Et Jean-Baptiste est sorti devant lui pour préparer le chemin. Écoutez très attentivement. Il dit, et soudain, entrera qui? Dans son temple, le Seigneur. Voilà, il va entrer où? Dans son temple. Qui? Le Seigneur que vous cherchez. Donc, il cherchait Dieu où? D'abord, les Juifs cherchaient Dieu où? Dans le temple, parce que dans le temple se trouvait la présence de l'âge de l'Éternel. Donc, ce n'est pas ce temple-là qu'il avait dit qu'il va entrer là-bas. Il a dit que le Seigneur que vous cherchez, que vous invoquez chaque jour, il va se faire un corps, il va habiter, il va venir au milieu de vous. On l'appelle Emmanuel, Dieu avec les hommes. Il a prophétisé là-bas qu'il devait venir dans un corps humain. Mais il se tient ici devant eux, il marche. Les Juifs posent la question que tu es, qui tu es, qui tu es. Je vous le dis. Si vous lisez les Écritures, vous allez savoir qui je suis. Oh, Jean-Baptiste est venu devant lui pour trouver le chemin. L'enfant qui devait. Le corps. On a lu ça ici la dernière fois dans Hébreux chapitre 10. Tu n'as voulu ni sanctifier le corps, mais tu m'as formé un corps. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Oui. Alors, le corps de Jésus était une prophétie du temple. Il dit que le Seigneur que vous cherchez, il entrera dans son temple. Le temple, le corps. Notez Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 19 et 20. Je vais dire ce qui est écrit là-bas. Notez, j'ai dit, parce qu'on demande que vous allez nous tuer ici. Dans Jean chapitre 2, il doit avoir une intercation un de ces jours entre le Seigneur Jésus-Christ avec les pharisiens. Jésus va leur donner une parole fracassante. Il dit, détruisez ce temple-ci et je le bâtirai en 3 jours. Vous vous souvenez? Dans la tête des pharisiens, ils pensaient que Jésus disait quoi? Qu'on casse le... C'est comme ça qu'ils comprennent. La Bible déclare verset 20. Ils ont retoqué à Jésus qu'il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu relèverais. Donc, ils voyaient clairement que Jésus parlait de quoi? Des temples là où ils venaient adorer. Mais le Saint-Esprit explique au verset 21 et 22 qu'il met, il parlait du temple de son corps. Jésus fait de dire, le temple de Jérusalem était une prophétie de son corps. Et c'est normal. Parce que le Saint-Esprit habitait dans le tabernacle, dans les tables là, les deux tables de la loi, Jésus est la parole vivante. Vous comprenez? La parole qu'il avait écrite sur le roc s'est trouvée là, manifestée dans la chair. Au commencement était la parole. La parole était avec la parole était Dieu. La parole est venue, il s'est fait, la parole s'est fait chair. Vous voyez? La parole a quitté là-bas, le tabernacle là-bas, et s'est dit tabernacle au milieu de ma chair, au milieu de. Donc le corps, c'était un symbole du corps de Jésus. Et par conséquent, tout dans l'ancien alliance avait une signification spirituelle dans la nouvelle alliance. On ne se lève, on n'a pas vu que chacun se lève et construit le temple comme il veut. Et même le troisième temple qui sera bâti, c'est conformément à la Bible. Dans Ézéchiel chapitre 40 jusqu'au chapitre 44, vous avez remarqué que le troisième temple qui sera bâti encore là-bas, les normes sont déjà données. Ce n'est pas quelqu'un qui va se lever pour dire qu'il va bâtir le temple à Dieu. Vous comprenez? Ceci à une époque bien déterminée. Quand les Juifs, on aura le temps de parler de toutes ces choses, l'enlèvement et autres là-bas, l'antichrist, tout ça. Quand on aura bien enseigné, vous allez saisir toutes ces choses-ci. Alors, quand les gens, quelqu'un se lève donc sur la terre pour dire, trouvons un terrain pour bâtir à Dieu, sur quel fondement il se place? Parce que personne dans le Nouveau Testament n'a bâti un endroit qui appelle lieu de culte. Personne. Enfin, je ne sais pas si ça vous fait vraiment, ça vous fait mentir. Quelqu'un dans la Bible n'a jamais réfléchi, depuis que le Christ est venu, lui-même sur la terre n'a pas voulu, Jésus lui-même, durant ses plus de 3 ans de ministère, il n'a pas demandé un seul lieu pour construire, pour prêcher. Ça ne vous fait pas de problème? Quand il quitte ses disciples, personne ne demande que mes seigneurs, on va aller enseigner où? On va prêcher où? Il dit que faites ce que je vous ai commandé. Enseigner aussi à vivre comme ça. Aucun des disciples ne demande, ok, maintenant comme ils sont nombreux, conseiller un endroit pour quoi se ressent. Vous avez vu ça dans la Bible? Non. Je pose la question de vos pasteurs, donc ils prennent ces idées donc là, où? Quand quelqu'un dit que va demander à ton pasteur lui-même. Va demander à ton pasteur. Là, c'est grave. Qui vous donne un seul verset? Pas deux. Un verset qui leur donne le droit d'aller construire un temple qu'ils appellent n'importe quoi. Il n'y en a pas deux temples sur la terre. Quand le temple des Jeux en était là, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas là. Quand il est venu, il a prophétisé que ça doit quitter. Parce qu'il faut que le temple soit cassé pour que le temple physique que nous sommes puisse être manifesté. Les deux ne peuvent pas être sur la terre au même moment. Quand on va quitter sur la terre, le temple des Jeux en sera encore là pour qu'il y ait l'adoration. Parce que maintenant, l'adoration, c'est nous qui donnons l'adoration à Dieu par l'Esprit. Vous avez saisi ça, n'est-ce pas? Quand l'allemand va avoir lieu, et notre temple sera bâti à Jérusalem. C'est là-bas qu'il va encore agréer encore le même sacrifice là-bas. Vous comprenez cela? Et par conséquent, il n'y a pas un seul lieu sur la terre que quelqu'un va construire. C'est le lieu pour adorer Dieu. Si on fait cela, on est en train de vous spolier. Maintenant, si quelqu'un a son propre agent construit, c'est son problème, c'est son patrimoine. Qu'il ne dit pas que ça, c'est pour Dieu. D'abord, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Des questions? Donc si quelqu'un dit que Salomon avait fait, il dit oui, c'est Salomon, il avait même la sagesse, même tout, pour avoir 1000 femmes. Il dit que laisse Salomon tranquille, là, le temple a été conçu, comme il se dit, que ne prends pas Salomon pour venir nous dire. D'accord? Voilà. Que donner, les gens donnaient l'or, donnaient l'argent, les gens prenaient ce qu'il en avait, vraiment. Ils donnaient pour construire le temple, parce que Dieu avait ordonné. Dieu n'a pas ordonné aux chrétiens de bâtir le temple. Il a ordonné aux chrétiens de s'occuper des veuves, des orphelins, des étrangers. Il a ordonné. Jean chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à contribuer au temple. Non. Amen. Non. Non. Non. La religion pure sans tâche devant Dieu notre Père consiste à construire des grands bâtiments pour Dieu sur la terre et à l'honorer. Non. À faire quoi? À visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et de s'abstenir des souillures du monde. Donc même si tu visites les orphelins, les aveugles et les pauvres que tu donnes, et tu vis dans le péché, ça ne sert à rien. Il a dit, tu visites et tu t'abstiens des souillures du monde. Vous comprenez? Posez des questions maintenant. Je suis à manger moi comme à toutes les sauces. Oui mon cher. Mais c'est pas dans ce sens là. Est-ce qu'il a dit poser des questions spécifiques, frère? Non. Il a dit poser les questions. Ok, il me faut bien comprendre. 1 Timothée, verset 8. Oh. 1 Timothée quoi? Tu as dit 1 Timothée verset 8. 1 Timothée a 6 chapitres. Dans quel chapitre alors? Chapitre combien, je pense. Tu penses ou bien tu crois, frère? Ou bien tu poses tout simplement ta question sans citer de référence. Voilà, je te dis où ça se trouve. L'apôtre Paul dit que l'apôtre ne sait pas pour les pièces. Oui. Il s'agit de quoi exactement? Ok, bonne question. Autre question? Il y a des questions. Oui, ma chère. À haute voix, pardon. Oui. Parce qu'on dit Bon, dans la Bible, c'est écrit que la femme ne doit pas prêcher. Oui. Donc, non, ne doit pas enseigner. Enseigner. Oui. D'abord, tu crois à ça. Oui. Donc, ça veut dire que la femme ne doit pas enseigner. Oui. Là où tu es, la femme enseigne, oui ou non? Non, laissez-la moi. Je n'ai jamais été là où tu es. Là où tu es, la femme enseigne, oui ou non? La femme n'enseigne pas là-bas. Personne n'enseigne là-bas comme femme. Elle ne comprend pas. Lève ta conseil, parle, tu vas bien comprendre. Au moins, c'est mes mains ici. Vous êtes témoin, vous la connaissez, n'est-ce pas? Ouais. Ma soeur, c'est Ariel, c'est ça? Là où tu es, la femme enseigne. Écoutez très attentivement. La femme enseigne. Quel est ton rôle là-bas? Ne riez pas, c'est à elle même d'abord quand ça va commencer. Quel est ton rôle? J'encadre les enfants. Tu? J'encadre les enfants. Tu l'encadres comment? Ils sont dans l'encadre. Qu'est-ce que tu fais aux enfants? J'enseigne. Ok. Tu es une femme ou tu es un homme? Montre-moi ton poste dans la Bible. Il y a ce poste-là. Ça se trouve dans la Bible. L'encadrement des enfants à l'école du dimanche. Tu as vu de telles choses dans la Bible? Mais la Bible dit... Non, réponds d'abord et puis tu avances. On a deux causes. Tu as déjà vu ça dans la Bible. Maintenant, la Bible dit. Allons-y. Parce que chacun peut se justifier dans la Bible. Enseigne à l'enfant. Oui. La voix qui doit suivre. Voilà. Maintenant, suivez attentivement. Applaudissez pour elle. C'est toujours elle qui doit répondre à ces questions. Dans ce passage que tu as cité, la Bible s'adresse aux enseignants d'école dimanche ou bien aux parents. Tu es le parent de ces enfants-là. Hein, ma soeur, vous ne pouvez pas vous tourner la Bible, vous allez vous en sortir. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas d'école dimanche dans la Bible, ça ne se trouve pas. Ce sont des ateliers pour vous divertir, afin que vous, pour un temps, pour que vous allez encore faire la folie à la maison. Donc, si ton rôle ne se trouve pas dans la Bible, il faut quitter là-bas. Il faut dire aux parents qu'ils fuient la responsabilité de rester avec leurs enfants. C'est aux parents que Dieu a dit ça clairement. Prends ta Bible, tu te tiens debout. Ouvre Proverbe. Non, prends, oui, ouvre le livre des Proverbes. Ouvrez ça par ricochet. Ouvre le chapitre 1 des Proverbes. Lis-nous le verset 8 à haute voix. Écoutez. Écoute, mon fils. Oui. L'instruction de ton père. Oui. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Stop. Vous avez bien suivi. Qui doit donner les instructions et les enseignements aux enfants? Père et la mère. Ferme la Bible. Maintenant, pose-moi la question que je voulais poser aujourd'hui déjà. Oui, j'avais une préoccupation. Oui. Comme on dit que la femme ne doit pas enseigner. Oui. Et la différence entre prêcher la parole et évangéliser. Oui. Si, lorsque... parce que les femmes étaient les premières personnes à annoncer... Non, ne donne pas de justification. Pose ta question parce que toutes les tenues qu'on prend là-bas, je les connais. Oui. Donc, c'est lui que quand Jésus est ressuscité, ça va présenter aux femmes. Oui. Quelle est la préoccupation? Que quand Jésus a vu, Jésus a dit aux femmes, il allait dire à ses frères que c'est Angali qu'il rencontre. Oui. Ça, c'est la prédication. En fait, je voudrais savoir en fait, quelle est la différence entre prêcher l'évangile et évangéliser, puis c'est pas, et prêcher la parole de Dieu. Ok. Que les femmes doivent enseigner. Mm-hmm. Bon, maintenant on va s'atteler. Si tu veux t'asseoir, tu te sens à l'aise, d'accord? L'enseignant des enfants. Je vais vous poser la question, vous me répondez. Avez-vous vu dans la Bible les femmes qui allaient de façon itinérée pour aller enseigner ou bien prêcher la parole de lieu en lieu? Ou est-ce que nous avons pris ça aujourd'hui? On a dit parce que quelqu'un a chanté que Jésus est venu changer l'identité de la femme, non? Il y a un verset qui dit que Jésus est venu pour la femme pour changer son identité. Mm-hmm. Quand il choisit ses 12 apôtres, il a choisi une femme parmi. Mm-hmm. Dans ce cas, pourquoi? Pourquoi? Jésus avait des femmes, des foules, des femmes, non? Mm-hmm. N'est-ce pas? A-t-il donné un poste de responsabilité à une femme? Mm-hmm. Est-ce que parce qu'il ne les aime pas? Mm-hmm. 1 Corinthiens 14, ouvrez. Mm-hmm. Donc, il y a un enseignement de 4 heures. En deux parties, partie 1, 2 heures, partie de 2 heures, concernant cela, le titre de cet enseignement, c'est le rôle et la place de la femme dans le dessein, dans le plan de Dieu et dans l'Église. C'est tout expliqué depuis la Genèse, avant la chute, pendant la loi, sous la chute, après dans la grâce, et les différentes tenues. J'ai nommé dans cet enseignement-là 15 tenues que les gens prêchent pour justifier aujourd'hui que les femmes doivent enseigner, plus de 15. parmi laquelle elle a trouvé cet endroit que quand Jésus est ressuscité, c'est aux femmes qu'il a dit, d'aller annoncer à ses frères qu'il est ressuscité, qu'il allait en Galilée. Donc ça veut dire que si Jésus était sorti, c'était le papillon qu'il avait vu en premier lieu. Les papillons devaient venir les évangélistes aujourd'hui. Mm-hmm. Absolument. C'est ça qu'il dit. Parce que comme c'est la femme qu'il a vu en premier, c'est pour cela que les femmes doivent aussi enseigner. Mm-hmm. Mais là où c'est dit de façon littérale, de façon claire et de façon là où il n'y a pas d'ambiguïté, que les femmes se taisent. Là, on n'entend pas cela. Tu ne veux pas entendre. 1 Corinthiens 14, allons-y. Lis le verset 33 à haute voix, mon cher frère. Non, attendez de bon. Vous tous, vous avez 1 Corinthiens 14 devant vous. Je veux vérifier que tout le monde a cela. Maintenant, verset 33, frère. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, oui, mais de paix. Oui. Comme dans toutes certaines églises. Non. Certaines églises. Comme dans toutes. Soulignez toutes. Il dit, toi, tu as la colorée comme ça partout, là, mon frère. Tu vas encore souligner comment? Je comprends que le frère s'est coloré là, bleu, jaune, là-bas. Ça suppose qu'il a la prochaine, ça fatigue. Les gens ne veulent pas comprendre. La tête chauffée. Comme dans toutes les églises des saints. Maintenant, je veux qu'on commande encore cette phrase-là. Il dit, comme dans toutes les églises des saints. Je crois qu'on a déjà dit ici au moins 4 fois aujourd'hui que ce qu'on ferme le téléphone. Il dit, comme dans toutes les églises des saints. Donc, si une église est appelée église des saints, on dit le rassemblement ou les croyants, ceux qui sont saints, il est dans leur rassemblement, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Vous avez entendu? Que les femmes se taisent. Je veux qu'une femme se lève ici et me dise ce que je veux dire, taisent. C'est la soeur là qui va se lever. Ma soeur, Ariel, lève-nous, tu veux dire ce que je veux dire, c'est taisent. Mmh. Ça veut dire qu'on ne doit pas parler. Mais pourquoi tu parles alors? En fait, c'est dit, que veut dire cette terre? Tu devais tout simplement te rester debout. Je devais comprendre que tu as compris. Je veux dire, c'est que dit cette terre. Parce que quand tu définis cette terre, tu as dit que tu ne t'étais pas. En fait, c'est ça. Quand on dit qu'on s'était, ça veut dire que tu fermes ta soupape. C'est absolument ce que ça veut dire. Parce que quand tu te mets debout, tu dis que cette terre, ça veut dire qu'on ne parle pas. Tu as dit parler. Donc tu te lèves debout tout simplement, tu te tiens debout. Il dit, ok, elle a compris ce que je veux dire, ça veut dire, c'était, veille t'asseoir. Continuons la lecture ici. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Stop, par qui? Il veut qu'on me dise, parce qu'ici on dit, il ne leur est pas permis d'y parler. Qui ne leur permet pas? Le Seigneur. Je veux que vous gardez bien à l'esprit ce que vous allez dire. Ça veut dire que si c'est le Seigneur qui en leur interdit cela, vous devez faire attention avec... En fait, nous touchons encore des pasteurs aujourd'hui, parce que nous avons vu que ces pasteurs consacrent leurs femmes pasteurs. Pas vrai? Il y a maintenant les pastrices, maintenant les apôtres. Ils ont même trouvé le féminin des mots qui n'existaient plus. Allons-y. Ah, il n'a pas permis d'y parler. Oui. Mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Donc, si on va sous la loi, on va suivre ce même principe. L'apôtre Paul veut dire, si vous regardez sous la loi, vous allez remarquer très attentivement que la femme avait sa place tranquille. Vous allez voir que dans le sacerdoce lévitique, les femmes, il y avait les femmes lévites. Parce que Lévite c'était une tribu. Quand vous naissiez sous Aaron et autres là-bas, comme Élisabeth par exemple, Élisabeth était une femme sacrificateur, mais elle n'avait jamais le rôle au temple en tant que sacrificateur. C'était les enfants mâles seulement qui s'occupaient de cela. L'apôtre dit ici donc qu'elle doit se taire, comme aussi la loi dit, donc elle va rester silencieuse, comme la loi était à leur égard. Donc Dieu n'a pas changé la nature, le rôle de la femme depuis l'ancienne alliance. Vous comprenez cela? C'est pour ça que chaque fois qu'on va expliquer ce dans la nouvelle alliance, il va revenir au péché originel. Dans 1 Timothée 2, que celui-là cité au verset 9 à 12, quand il va dire là-bas que je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais qu'elle soit soumise, il va aussi dire que quand Adam n'a pas péché, le premier, c'est la femme qui s'est rendue coupable d'exister. Donc, ça veut dire qu'il remet que c'est à cause du problème du péché originel. Donc, on a demandé désormais, comme tu bavades beaucoup la femme, tu as ton tuyau d'échappement là. Continuons ici. Allons-y. Alors, moi, je vous pose la question. Vous pensez que les pasteurs que vous connaissez, dont on parlait là, ils ont la même Bible que vous? Non. Dans ce cas, comment ils font pour prendre les femmes quand ils ne sont pas là, les femmes prêchent? Jusqu'à ce qu'ils avaient même une femme qui dit que c'est une femme de pasteur, que le pasteur était mort depuis. Écoutez, prends quelqu'un qui dit, il n'y a pas de succession pastorale. Il n'y a pas de succession pastorale. Mais on remplace les gens dans les empires. Voilà. Donc, c'est pas parce que ton mari était pasteur, il est mort, que ta femme va prendre ta place. Ça ne se trouve pas, même ton enfant, ça ne se trouve pas. C'est un seul rôle pour une personne dans le corps. Vous saisissez cela? Que non, mon mari était fut un grand pasteur. Et ça fait de quoi? Quand l'apôtre Pierre est mort, sa femme a pris le relais? Non. Quand Jésus est mort, sa maman a pris le relais? Non. Pointe de quelqu'un, tu dois te repentir, je vous le dis. Non. Quand Jésus est mort, sa maman était là, non? Elle a pleuré à la croix. Là, la chambre haute, là-bas dans H chapitre 1, elle était parmi, non? Oui. Ses petites soeurs étaient là, non? Oui. Vous avez entendu sa maman se lever la voix, dire que c'est mon fils, c'est notre ministère. D'où vient-il que nous avons ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec nous à cette époque-ci? Continue, frère. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Pointez les femmes, pointez les maris. Dieu vous avez pour responsabilité de nous expliquer les Écritures. Eh, hey, doucement, écoutez. Dites, vous le mari, vous devez nous expliquer les Écritures. Ne nous poussez pas à la désobéissance. Prends ton mari, dis-lui. Dis-lui que tu dois lire la Bible. Tu dois lire la Bible. Et m'expliquer si j'ai des questions. C'est la Bible qui dit. Parce que les maris, on laisse aller. Les femmes vont aller dans tous les sens. Vous voyez? Souvenez-vous, dans la première partie, nous avons lu Apocalypse chapitre 3. Il nous a dit que l'esprit de l'époque, c'est l'esprit des femmes. Que les femmes vont se lever pour prendre la part qui n'est pas leur. Si la femme se lève, c'est parce que le mari aussi a abandonné sa place. Vous comprenez cela? Donc, vous, le mari, ne soyez pas comme les Acap. Ceux qui veulent venir ici, non seulement avec le bâton d'autorité, mais avec le bâton de commandement contre vous. Vous devez vous réveiller, lire la Bible pour que si votre femme marche droitement, parce que souvenez-vous, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, qu'honorer les femmes comme un sexe faible. Faites cela pour que Dieu ne vienne faire obstacle à votre prière, et sachant que c'est un sexe faible pour que vous allez avoir le don de vie ensemble. Donc, souvenez-vous que même si votre femme est puissante d'impôt, comment elle a plus d'argent que vous, ce n'est pas l'onction de l'argent que Dieu regarde dans vous. Amen. C'est l'autorité de l'homme. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, vous avez la responsabilité de lire la parole et de conduire votre femme dans la vérité. Amen. Continuez aussi, frère. Yes. Car il est malseillant à une femme de parler dans le pire. Vous avez vu votre pasteur là, vos pasteurs là, non? Maintenant, vous voulez suivre la parole? C'est vrai, on dit que comme vous allez prendre le renseignement, si maintenant vous allez faire attention avec vos gueules maintenant, les femmes, maintenant, vous allez écouter l'instruction dont vous allez vous taire, mais maintenant, et ça c'est difficile parce que vos esprits, même quand il y a pas de mauvais esprits, vos esprits de femmes sont mauvais. Donc, le Saint-Esprit en train de nous dire que dans l'assemblée, et c'est ce que vous allez faire maintenant, parce que je vais venir chez vous, ici chaque fois. Je vais venir chez vous chaque fois, autant que vous m'invitez. Peut-être s'il n'est pas, mais vous dites, oh frère Fubel, c'est la dernière fois que vous voyez le gars dans notre pays. Il n'y a pas de problème. Mais je suis là, je suis disponible. Si vous me faites venir, à tout moment, je vais venir. Mais il faut que l'église soit avec lui, mon frère. Est-ce que vous vivez ce que nous vivons? C'est-à-dire quoi? Tous les grands pasteurs, tous les pasteurs ici, toutes leurs femmes prêchent. Toutes les femmes prêchent. Tous les pasteurs. Bon, ça veut dire que chacun vient avec sa Bible. Ils ont une Bible particulière. Tous les pasteurs du Gabon. Oui. Toutes leurs femmes. Bon, est-ce que c'est vrai alors? Est-ce que c'est vrai d'après la Bible? Les femmes qui ont le mari dans le bar. Oui. Elle vient prêcher. Le mari dans le bar. La femme prêche. C'est normal alors? Non, ici c'est comme ça. Bon, je dis, ça c'est la norme ici. Mais est-ce que c'est normal d'après la Écriture? Non. Oui, ma soeur, tu voulais. Oui, c'est à base de la Bible. Ils nous prennent un verset qui dit dans la Bible. Je répandrai mon. Non, non, j'arrive, je connais ça. Non, je connais. Non, je sais pas. Je connais. C'est pour ça que je vous ai dit, écoutez ces enseignements-là. Quand vous voulez écouter les enseignements que j'ai faits, réfléchissez pas deux fois. Quand vous allez réfléchir pas deux fois, vous mettez votre genou et dites Seigneur. Pardon, ne me blesse pas. Et puis quand vous allez, si vous ne voulez pas écouter, n'écoutez pas, parce que vous écoutez, le jugement va commencer. Il dit le titre de l'enseignement, c'est le rôle de la femme dans le plan de Dieu et dans l'église. C'est 2 heures d'enseignement, 2 heures de première partie, 2 heures, 4. Donc tous ces points-là, j'ai soulevé tout cela. Que c'était le contexte corinthien, le contexte, c'était le contexte d'écriture. Toutes les philosophies qu'ils utilisent pour faire là, je les ai utilisées, mais j'ai mis tout cela à nu. D'accord? D'abord, un homme n'a pas le droit d'être pasteur. Un. C'est ce qu'on a de vouloir voir là maintenant. Des deux, le mariage n'a pas été remis entre les mains des pasteurs. Aucun pasteur, aucun, même un homme, n'a le droit de célébrer un mariage. D'accord? Tu comment encore? Attendez, vous lisez votre Bible? Vous avez lu votre Bible? Attends, vous avez là lu votre Bible? Vous avez là vu un seul mariage que les apôtres ont célébré ou Jésus a célébré? Non. Oui? À quelle église? Non, attends, elle va nous montrer l'église. L'église. À quelle église? L'église, c'est toi. Il y a les mariages à la cuisine, les mariages à la mairie, et après, on fait parfois les mariages à la. Bon, je pose. Ah, après, ça, c'est la bénédiction nuptiale. Tout ce que tu as cité là, tu as vu ça dans la Bible? Non, c'est pas. Moi, je parle de ce qui est dans la Bible. Comment, mon frère? Excusez-moi, en fait, lorsqu'on parle de bon Dieu. Qui parle ça? C'est dans la Bible, ça? C'est on qui parle, non? Dans la Bible, ça ne se trouve pas. La Bible me dit plutôt que le mariage, c'est seulement devant Dieu. La Bible déclare dans Malachie que vous aimez, au chapitre 2, verset 14, que j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. J'ai été témoin. Dieu ne dit pas que nous avons été témoins. Il a été témoin. Le seul témoin du mariage, c'est Dieu. Parce que c'est une institution divine, pas humaine. Autre question? Attends, laisse sortir le verset. Au moins, là, ça ne doit pas le faire, il ne va pas dormir. Ouais, vous savez, chacun sa passe. Quand on touche, mais chacun se réveille. Oui. Ma préoccupation, c'était pas sur ça, c'était sur le cas du baptême. Oui. En fait, nous avons deux paroles, l'un publiquement, qui viennent de Jésus lui-même. Et des apôtres, je connais cela. Donc, on a Père, Fils, Saint-Esprit, et nom de Jésus. C'est bon, on arrive, je connais ça. On va prendre. Non, finissons avec la soeur de l'autre côté là-bas. Donc, il y a le mariage coutumier. Le mariage de Marie et le mariage de... Tu as vu ça dans la Bible. Il y a des enseignements ici. Il y a les enseignements concernant le mariage. Il y a 6 enseignements. Donc, c'est partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, partie 6. Avant de suivre, quand vous allez prendre cela, avant de suivre, il dit bien respirer d'abord bien. Parce que vous allez suivre quelque chose. Marchez, croyez que votre tête a tourné par derrière. Donc, si vous voulez suivre, suivez doucement. Ça va vous révolutionner. Parce que vous allez toujours dire les choses comme ça. Si vous posez la question, ces 3 choses que vous avez dit là, vous pouvez montrer un seul. Un verset dans la Bible. Un. Vous pouvez montrer ça dans la Bible. D'abord, laissons même le mariage coutumier, le mariage civil. Le mariage que le pasteur fait. Qu'est-ce qu'il donne comme verset à un pasteur de tendre la main sur quelqu'un qui vous unit, mari et femme. Un seul verset. Allons-y. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous allez faire pour vous marier? Parce que j'ai 12 ans. Si tu veux mon témoignage, je vais vous donner. Je dis que ne parle pas au carré. On parle au cas général. Non. Si tu veux mon témoignage, tu peux tomber ici. Donc je recommence encore. Y a-t-il un seul verset dans la Bible qui donne le droit au pasteur de mettre les coussins au sol, de prendre un livre de vie? Ne sois pas traumatisé, ma soeur, c'est la délivrance. Non. Et de dire, monsieur, un tel, tu nous. Et là-bas que vous avez donné à la mairie, parce que la loi dit qu'aucun mariage ne doit s'élever religieusement sans que ça soit scellé devant l'autorité civile. Donc, on finit de dire là-bas, tu d'abord dis oui devant le maire, après tu viens encore dire oui ici. Il prend la bague que vous avez fait là-bas, il met lui, c'est ça que Seigneur nous sanctifions. Écoutez, l'amour n'est pas dans le bague de mariage. Amen. Ce n'est pas le bague de mariage qui marie. C'est l'âme. Chérie. Ah. Ce n'est pas la bague de mariage qui certifie que tu es marié. Parce que ton mari, quand il sort, il peut sortir dans un bureau, il enlève ses mains dans la bouche. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais lorsque, doucement, je vous ai touché sur un bureau. Mais lorsqu'un homme craint Dieu, a la crainte de Dieu devant lui, c'est qu'il a donné une parole d'alliance à une femme. Il ne quittera pas son bureau pour aller chez une autre femme. Amen. Vous avez compris, n'est-ce pas? Voilà le vrai mariage. Amen. Le mariage, c'est une alliance entre un homme, une femme et le Seigneur Jésus. Parce que les hommes avec qui vous dites que devant les hommes là, c'est eux qui vont chez ma vous dire que j'attache ton ventre qui n'accouche pas. Et montre quoi? Il veut montrer qu'elle est trop mariée. Vous comprenez? C'est pour ça qu'en retour, quand vous finissez, parlez encore pour guérir les gens. Le mariage, c'est une alliance entre l'homme, un couple et Dieu. Point final, c'est ce que la Bible présente. D'accord? Et dans ce cas, ils disent que le mariage soit honoré de tous. Voilà pourquoi ils font les. Quand on est déjà marié, on a dit que le mariage soit honoré de tous. Le mariage, tu es marié, vous devez honorer le principe de l'autorité du mariage et le lit conjugal exempt de soumission. C'est le jour où vous allez vous marier devant le maire pour le lit conjugal? Non. Donc ça n'a rien à voir. J'ai dit, il y a une certaine partie de cet enseignement là concernant le divorce. Vous allez voir que beaucoup de personnes sont divorcées sans en rendre compte. Donc il y a 6 enseignements concernant la dot. On a d'abord vu que la dot, il n'y a pas la dot biblique. Dans la Bible, on ne parle pas de dot, c'est seulement pour les vierges qu'on a accouchées, qu'on a déshonorées. Donc quand quelqu'un viole une jeune fille, il va donner la dot par rapport à la réparation. Vous comprenez? Voilà, maintenant, si quelqu'un tient un petit que une fille, deux filles, j'ai 4 filles, j'aurai l'argent, c'est que tu es un prisonnier ambulant. C'est que tu es un prisonnier ambulant. Que Dieu vous bénisse. Oui. Frère Junior, oui. Moi j'aimerais un peu savoir par rapport au passage qui dit. On n'a pas fini, c'est 1 Corinthiens, vous n'allez pas nous dire aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 14 que nous trouvons. Oui. Ne bouge pas. Oui. Mm-hmm. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça c'est Marc chapitre 16. Oui. Oui. En mon nom, oui, ils chasseront des démons. Ils chasseront les démons. Ainsi de suite. Et puis, bon, lorsque je lis ce passage, je me dis les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, oui. Ce qui veut dire que ceux-là. Donc vous étiez certainement en train de dire, la dernière fois en train de dire que ceux qui ont une alliance avec Dieu, oui. En fait, qui se sont certainement déjà détachés de la mauvaise vie, oui. Et qui ont maintenant cette nature de Dieu. Oui. Mais je voudrais un peu poser une question. Est-ce que par rapport à ce passage, Dieu s'adresse à l'homme, voilà, ou à la femme? Bonne question. En fait, la question c'est, est-ce que les femmes peuvent aussi avoir expérimenté les dons spirituels? Voilà. C'est ça la question là-bas. Et pouvoir, par rapport, chasser par exemple... Ça c'est une bonne question, donc le don spirituel en général. Oui, ça fait l'objet d'un enseignement maintenant, tout plein là maintenant. Maintenant, je vais répondre de façon semaine, mais on va y revenir. Mais il y a des enseignements concernant cela. Regardez, cette question-ci et la question de cette sœur-là, le passage de l'Écriture dans Actes chapitre 2 qui dit « Voici au dernier jour, verset, mon esprit se touche chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vos vieux auront des sons. Lui, si mes serviteurs et mes servantes, je dévisserai mon esprit, en ces jours-là, ils prophétiseront. » Chaque fois qu'on veut lire quelque chose, c'est parce que le pasteur, il vous en dit comment on a fait là. Dans ce passage-là, on parle de prophétie. Dans ce passage de Joël chapitre 2 et qu'on a réitéré dans Actes chapitre 2, on parle de prophétie. Donc les femmes peuvent avoir le don de prophétie. Et dans Actes des Apôtres, on voit effectivement que l'évangile, il avait 4 filles vierges. C'est déjà un défi pour voir une fille qui est vierge aujourd'hui. C'est 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc on a vu les filles dans le Nouveau Testament qui prophétisaient. Donc elles avaient le don de prophétie, comme la Bible le dit. Mais on ne voit pas les filles qui ont le Saint-Esprit et qui sont allées prêcher. Parce que Actes des Apôtres nous dit, ils étaient environ 120 dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là-bas, y compris Marie, la mère de Jésus. Mais nulle part, vous ne voyez cette femme-là sortir pour aller prêcher. Parce que l'enseignement est réservé à l'autorité des hommes. Vous comprenez cela? Dieu a refusé la conduite de l'autorité spirituelle à une femme. C'est pour ça que la Bible, elle doit se soumettre à l'autorité. Mais maintenant, elle faisait chapitre 4, comme vous avez noté en premier lieu dans la première partie, chapitre 4, elle dit ceci. Dieu est monté, celui qui est descendu, celui qui est monté, il a fait les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, il dit pour l'édification, le perfectionnement des saints. Le ministère de perfectionnement, d'édification n'est pas donné aux femmes. Parce que ce sont un ministère de conduite spirituelle d'autorité. Autrement dit, vous êtes prêts? Il n'y a pas de prophétesse dans le Nouveau Testament. Ça se trouve nulle part. La seule qui s'appelle, qui se fait appeler prophétesse, est appelée dans la Bible Jézabel. C'est la seule. Donc si vous dites que vous êtes prophétesse, vous êtes Jézabel. Simple fin de citation. À moins que vous créez un autre verset biblique. Laissez ça couler en vous maintenant. Vous cherchez votre verset, voir. Et mon frère. Oui, frère Gignard. Donc, avoir une fille qui a le don de prophétie ne fait pas d'elle une prophétesse. Ne comprenez pas avoir le don de prophétie et être prophète. Ça, c'est deux choses différentes. Un prophète a la nature de prophète. La personne qui a le don de prophétie, ça veut dire que le Saint-Esprit l'a saisi souvent pour donner des prophéties. Elle n'est pas une prophétesse. Non, elle ne sera jamais une prophétesse. Un prophète est né prophète. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a dit au dernier, je vais verser mon esprit et ils prophétiseront. On n'a pas dit ils seront des prophètes. C'est pour ça que l'esprit vient sur elle, ils prophétisent. Maintenant, pour répondre à la question par rapport à Marc chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Maintenant, comme c'est dans 1 Corinthiens 14, là, ouvrez chapitre 12 d'abord. On va revenir au chapitre 14. Donc tous ces pasteurs qui ont injecté le poison de serpent dans vos vies là, que ça doit s'arrêter aujourd'hui. Amen. Il est temps de revenir à l'obéissance de la parole. Amen. Quand la parole dit, vous restez comme la parole a dit. Ne c'est pas parce que devant l'homme, devant l'homme, vous allez vous en sortir. Devant Dieu, il va dire, il est écrit. Tu vas dire, mon pasteur m'avait dit qu'à l'école de théologie, on avait dit comme ça. Je vais dire que l'école de théologie ne vient pas de moi. C'est la brigade de formation du fou. 1 Corinthiens chapitre 12. Allons-y faire verset 28 d'abord. Écoutez très attentivement. Et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres. Secondement des prophètes. Oui. Troisièmement des docteurs. Oui. Ensuite ceux qui ont le don des miracles. Stop. Ceux qui ont le don des miracles. Vous avez entendu cela? Amen. Donc en quatrième position, vous voyez effectivement que Dieu insiste d'abord sur le ministère de l'enseignement et de l'autorité. Avant que les miracles viennent par la suite. Vous avez remarqué cela? Donc premièrement, les apôtres. Secondement, des prophètes. Et assister quoi? Des docteurs, donc les enseignants. Puis, quatrièmement, ceux qui ont les dons de guérir. Oui. Et de secourir. Oui. De gouverner. Oui. De parler diverses langues. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, il y a une question qui va être posée. Je veux que quand vous allez lire les questions, c'est pas moi qui ai posé, c'est mon grand frère qui a posé cela. Quand il va poser la question, quand il va lire la question, répondez directement. D'accord? Allons-y. Tous sont-ils apôtres? Non. Allons-y. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Arrêtons-nous là-bas. Ça pose problème. Parce que conformément à Marc chapitre 16, c'est ça qu'il faut bien comprendre l'explication biblique. D'après Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc on a comme présent que tous ceux qui ont cru peuvent faire des miracles. Ici maintenant, on pose la question, tous font-ils des miracles? Non. Donc il faut comprendre Marc chapitre 16. Ça veut dire en réalité, c'est le même esprit qui fait les miracles qui est sur la peau. C'est le même esprit qui fait le miracle qui prophétise. C'est le même esprit qui fait le miracle qui va donner le don de gouverner. Même ceux qui devaient servir à table dans, dans l'église naissante à Jérusalem, ceux-là devaient être baptisés dans le Saint-Esprit. Au point où on a choisi cette personne de qui on rend bon témoignage et donc qui était plein de l'esprit, parmi lesquels Étienne. Il servait à table. Donc pour prendre la nourriture, on s'en donnait un autre croyant, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Pas étonnant, pas étonnant aujourd'hui que les femmes sataniques soient dans l'église, quand ils te donnent comme ça, ils te maudit la nourriture là bien. Tu manges, tu as mal au ventre, tu as les couches de nuit graves. Parce qu'on ne respecte aucune règle de l'église aujourd'hui. Il faut qu'on se répande. Je veux que par derrière, quand on ne sera pas dans ce pays-ci, restez dans votre coin, dit Seigneur, nettoie-moi et fais-moi vivre ta parole. Amen. Qu'il te nettoie de façon individuelle. Qu'il vous nettoie de toutes les fausses doctrines que vous avez ingurgées dans tous ces lieux-là. Qu'il vous enlève cela et que vous prenez votre Bible maintenant, vous lisez la Bible comme si vous venez de commencer avec le Seigneur. Amen. Pour qu'il vous enseigne maintenant ses voies à lui. Parce que vous avez longtemps erré et suivi les hommes. D'accord? Alors ici il dit, j'arrive mon frère, ici il dit dans le côté, je veux que vous voyez cela. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ça c'est l'annonce. Voici le miracle qui a commencé ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci. Quand vous lisez ça, ne vous mettez pas à l'esprit que comme vous avez cru, vous pouvez faire cela. Parce que c'est un grand sac dans lequel il y a plusieurs compartiments. Parce que vous avez cru au même Seigneur. Alors à l'un, il va donner de faire le miracle de cette façon-ci. Parce que même les miracles sont différents. Amen. Vous comprenez? Amen. Là, il pose la question, tous font-ils le miracle? Répondez. Si tu ne fais pas de miracle, dans ce cas, pourquoi il dit que voici le miracle qui a commencé ceux qui auront cru? Oui. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a cru qui va faire le miracle. Vous avez compris, n'est-ce pas? Voilà. Oui, frère. Oui, merci, frère Junior. Que Dieu te bénisse. Amen. Moi, je crois que souvent, parfois, il faut des témoignages vivants. Amen. Pour faire comprendre aux gens. Depuis mon jeune âge, depuis que j'ai épousé ma femme, je me suis rendu compte de quelque chose. Et je l'en parle tous les jours. Je lui ai dit ceci, je dis, je n'ai jamais constaté qu'à un moment donné, le degré des sentiments baisse. Après sa mort. Il est resté stable. Non, parle-nous bien. Tu veux dire que depuis que tu la piffes le premier jour, comment on parle de choses, vous voyez, comme vous avez parlé de bon, je peux vous comprendre bien ce qu'il dit. Amen. Donc tu veux dire que depuis quand tu as jeté le regard sur elle là. Alors, oh oui, parle frère, passe ton témoignage. C'est pour ça que je disais, parce que parfois les enfants n'arrivent pas à comprendre ces choses-là. Oui. Il y a des moments, ça sort de la Bible, oui. Mais il leur faut souvent des témoignages. Vivant, oui. Mais je crois que nous sommes devenus ce témoignage-là vivant. Les lettres vivantes. Les lettres vivantes pour l'exemple aux enfants. Amen. Quand je dis, je n'ai jamais constaté, et j'en parle tous les jours, je leur dis ceci que j'ai constaté que le sentiment que j'ai eu envers toi depuis le premier jour jusqu'à nos jours, jamais j'ai senti que ça a baissé. C'est comme si j'ai perdu un peu la confiance après ça. Que je t'aime bien, ce soir. En dedans de si, ça n'a jamais existé. Ça, c'est l'amour authentique. Et c'est pour revenir sur la fin du mariage. Oui. Parce que les enfants n'arrivent pas vraiment à comprendre cela. C'est vrai que le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai pris mon épouse, on était tellement trop jeunes que même les parents n'en revenaient pas. Et mon père m'a convoqué trois fois. Il m'a fait à cet âge, tu avais quel âge? J'avais 15 ans. Et elle? Elle avait 13 ans. Waouh! Et donc, puisqu'on a dit, ça fait combien d'années vous êtes ensemble comme ça, sans regretter? 38 ans de mariage. Et quand elle regarde chaque jour comme ça, elle dit souvent, elle dit toujours, ma jeune fleur. Alors, mon père me convoque, il me fait asseoir, j'avais 15 ans. Il me fait asseoir, il me dit, mon fils, tu es très jeune, tu es bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Que tu es malade? Est-ce que tu as un problème? Il me dit, pourquoi papa? Il me dit, c'est quoi l'histoire avec l'enfant de toi? Je dis, papa, je peux te le dire, c'est mon épouse, c'est ma femme. Tu as donné le mot d'été à ton père. Et jusque quand papa est décédé, je crois que c'est depuis ce jour-là qu'il a commencé à comprendre que ce que mon fils disait, c'est une vérité. Parce que de tous mes grands frères, de tous mes oncles, de toute ma famille, je suis le seul qui a pu aller jusqu'au mariage. Amen. Parce qu'eux, ils n'ont pas pu. Amen. Mais il y a quelque chose que je vais revenir sur l'histoire de Lot. Oui. Je crois que je vous avais déjà parlé. On est resté, monsieur et dame, sans aller à l'église, sans aller à la mairie, sans doter. Oui. Donc, on n'avait ni alliance, ni la dot, mais on était monsieur et dame. Et tu savais que c'était ta femme. Et ça, c'était vraiment d'une manière ou d'une autre, montée, descente. J'avais la conviction totale vous rendez compte, à 15 ans, tu peux imaginer que est-ce qu'elle va rester. Elle aussi, elle s'interrogeait. Mmh. Est-ce que vraiment... Ça va durer. Ça va durer. Mais malgré cela, on a continué. Mmh. Et je vais aller la doter comment? Ça veut dire que quand elle est restée malade longtemps, oui. On s'était déjà mariés. Mmh. Parce que le mariage est arrivé pourquoi? Mmh. C'est là où vraiment j'ai compris que le mariage, c'est le rôle administratif. Ça veut dire quoi? Lorsque vous vivez déjà, Dieu vous a uni. Oui. Et qu'au vu vous des fait humains, la dans l'administration, oui. Pour officialiser les choses, il faut aller à la mairie. Mmh. Nous sommes allés à la mairie conformément à l'administration. Oui. Parce que j'étais à France Ville et à Koulamoutou. Mmh. Et on disait que moi, je ne pouvais pas. Elle, on ne pouvait pas l'affecter. L'affecter. Parce qu'il faut, le dossier pour ça. Il faut un document oui. Qui atteste que je peux me rapprocher d'elle. Oui. Donc, c'était le mariage. L'acte d'état civil. Mariage. Donc, il fallait qu'on aille à la mairie. Mmh. C'est l'une des raisons qui nous a poussé de nous marier. Absolument. Et pendant tout ce temps, on n'avait pas de dot. Oui. Et c'est quand elle tombe malade, pendant plusieurs années, oui. Et l'un de mes oncles va me dire, bon, écoute, tonton, je constate que tu n'as pas fait la dot, donc mmh. On va aller. La, cette dot-là n'était plus la dot comme aujourd'hui. On fait les listes. Oui. Non. Les parents s'est retrouvés, on a pris une certaine somme, on a pris un peu de paille, un peu de vin, oui. Et nous sommes allés, on a donné à ses parents. Donc ce n'est pas eux qui ont exigé. Non. Mmh. Là, ça veut dire que quand je comprends par rapport à la Bible, je me suis rendu compte que lorsque Dieu est avec vous, il vous avait dans les marches par rapport à la Bible. Sans que vous ne sachiez même pas que c'est la Bible. Sans que vous ne savez. Mmh. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que là, je me rends compte que c'est vraiment Dieu. Et Dieu, il faudrait que les gens comprennent que l'institution divine qu'il a le mariage, mmh. C'est pas ce que les enfants là. Vous voyez aujourd'hui, il y a un problème. Mmh. Tu prends Paul, Jean, Patrick, quand tu as déjà 4, c'est terrible, c'est terminé, l'embrouille. Là, ça veut dire que tu n'as plus droit à la dot. Mmh. Ça veut dire que c'est comme si Dieu n'a même plus. De, en fait, d'importance. Comme si tu as enlevé la confiance en lui. Mmh. Lui, tu l'as plus honoré. Mmh. Parce qu'en fait, on dit honore ton père éternel. Mmh. Mais Dieu, il voudrait qu'on l'honore. Absolument. Mais l'honneur qu'on doit donner à Dieu, c'est parce qu'il faut être vierge. Mmh. Et que quand tu as le premier mari, mmh. C'est celui-là qui doit normalement faire chemin. Oui. Mmh. Les filles, vous avez entendu, non? Oui. mais la virginité n'a pas de chemin retour. Lorsque quelqu'un n'est plus vierge, c'est terminé. Non, oui, que, mais on parle comme ça pour les générations futures. Ça, c'est les générations. Oui, continue. Mmh. Alors, c'est pour dire que. Frère Junior, moi je crois qu'il y a quelque chose que peut-être je vais rentrer. Mmh. C'est vrai qu'après cette période, c'est pas pour autant dire mmh. Que je n'ai pas péché. J'ai péché. Oui. Parce que j'ai pu, à cet âge-là, 18 ans, 17 ans, 20 ans, j'étais jeune, j'ai eu à voir des copines à gauche, mmh. À droite. Mmh. Et un jour. Ta vraie nature commence à vouloir venir encore. Et un jour, le Seigneur va me parler dans le bureau, je n'étais pas dans une dénomination. Oui. Je ne priais pas. Mmh. Mais le Seigneur va venir me révéler dans mon bureau. Pour me dire, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Quelqu'un, j'entends une parole et puis je m'interroge. Qui me parle? Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Oui. Tu n'as plus le droit de le faire. Oui. Et par la suite, je me suis dit, ah, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Et il vient me dire ceci. Il me dit, tu sais pourquoi? Vérifie dans les villages. Tu ne vois que les femmes. Mmh. Les hommes sont où? Tu n'as pas remarqué que les hommes meurent avant. Puis je suis resté là. Je dis, oui, effectivement. Quand je vérifie, mm-hmm. Il n'y a que les femmes dans le village qui restent. Mm-hmm. Les hommes meurent avant. Oui. Il me dit, voilà la raison pour laquelle les hommes meurent. La vie des débauches. La vie des débauches. Les débauches. Et depuis ce jour-là, jusqu'à nos jours, plus jamais. Voilà la fleur rose qui est habillée en rose. Amen. Plus jamais je suis allé avec une autre femme dehors. Amen. Et quand je finis là, le diable me dit, tu vas voir. Mm-hmm. C'est pas ça, moi c'est maintenant l'argent. Mm-hmm. Comme il a constaté que les femmes j'ai laissé, oui. Il va venir sur l'argent. Oui. Et j'ai un grand frère qui va m'amener 100 millions pour garder dans la maison. Mm-hmm. Pendant 2 ans. Elle et moi on a gardé cet argent là. 100 millions. Oui, il en sait beaucoup. Et les 100 millions vont rester pendant les 2 ans. Mm-hmm. Et le grand frère va prendre cet argent à compte-goutte. Mm-hmm. Ça veut dire il prend 4 millions aujourd'hui, demain 2 millions, après 3 millions, mm-hmm. Jusqu'à ce qu'il restait 4 millions. Oui. Et un matin, je me réveille, je dis à ma femme, je dis, je vais aller déjà donner au grand frère 4 millions parce que je ne veux plus garder l'argent. Oui. Et je lui ai dit, Fibère, accompagne-moi. Oui. Lui et moi, nous sommes allés. J'ai pris l'enveloppe, j'ai tendu au grand frère. Quand il m'a regardé, il n'avait pas le mot. Il cherchait comment faire, comment dire. Oui. J'ai dit que non, moi, je ne suis pas gardien d'argent. Oui, prends ça. Prends ton argent. Mm. Et par la suite, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Lui m'a demandé que mon frère, ça là, tu as un problème. 100 millions. Attends, laissons le frère. Qu'est-ce que le pasteur a dit en attendant ça, le pasteur? Le pasteur, un jour, on était en train de manger. Oui, oui. C'est eux qui nous intéressent ici. Oui. On parlait, et puis je lui disais que, ah, vraiment, les gens là, eux, quand ils veulent venir cacher leur dossier, parfois ils peuvent te proposer de l'argent et tout ça. Et puis il me dit, si on peut te proposer de l'argent, je lui dis, mais non, mais quelqu'un peut venir me proposer au stade là où je suis là. On peut m'amener, mais 800 millions, 700 millions. Il me regarde, papa Fouraga, si on t'amène 700 millions là, tu fais comment? Je lui dis non. Moi, j'ai accepté d'aller avec le Seigneur jusqu'au bout. Tu as coupé l'appétit au pasteur. Et il m'a répliqué, il me dit, quoi, papa Fouraga, tu es fou. Mais tu as des problèmes. Moi, je prends. Il a dit ce jour-là, oui. J'ai eu la chair de poule, comme on dit. Oui. Ça, c'est la vraie chair de poule. La vraie chair, pas le dindon. Parce que j'ai compris que, oui. Non, là, non. Non, comment il me dit ça? Quelqu'un dit par cupidité. Par cupidité. Oui. Donc là, ça veut dire comment elle a fait sortir. J'ai compris, et c'est l'une des raisons pour laquelle moi j'ai dit, ah, je crois qu'il y a un problème. J'ai dit à ma femme, je crois qu'il y a un problème. Il faut faire attention avec lui. Et puis, je me suis rendu compte, on dirait que je suis seul. J'ai dit à ma femme, je me suis rendu compte qu'on est seul sur cette terre-là. Elle me dit pourquoi? J'ai dit, depuis que je me balade là, dans les administrations, partout, corruption, je ne vois pas les gens sont toujours accrochés à l'argent, à ceci. Qu'est-ce qui ne va pas? Un jour, j'ai la communication là au téléphone. Oui. Journal TF1. Voilà. De France là. France, voilà. C'est le président de l'Uruguay. Oui. Alors, les infos passaient que le président le plus honnête au monde. Oui. Ça veut dire qu'il a refusé sur 9 000, qu'on devait 9 000, disons millions, qu'on devait le payer. Oui. Il a dit les 8 000, il a donné ça pour la population, moi je n'ai pas besoin. Oui. Et lui, il vit avec sa vieille femme, il est vieux, sa vieille femme au campement, disons au campement, à la campagne. Dans une campagne. Hein. Voilà, ça c'est une maison simple. Il n'a pas de ménagère, il n'y a rien. C'est ce qui m'a touché. Oui. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh! Seigneur, donc c'est vrai, je ne suis pas seul. Oui. J'ai compris que donc il y a des gens qui sont intègres. Donc la voie là, c'est une voie juste. Amen. Et c'est celui-là qui m'a donné encore la force. La force de comprendre que je ne dois pas abandonner, je dois aller jusqu'au bout. Dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Parce que le Seigneur vient me dire que je n'ai pas d'offrande à vous demander. Vous allez me donner quoi? Vous ne pouvez pas me donner la voiture, vous ne pouvez pas me donner la maison, vous ne pouvez pas me donner. Mais tout ça, toutes ces choses, tout ce style de vie au milieu des loups varoises comme ça, vont t'attirer des inimitiés. Comment tu fais? Comment tu les gères? Bon, moi, je suis devenu. Personne non grata dans le milieu. Non, voilà. Moi, je suis dur et puis je suis resté là. Oui. Peu importe de ce que tu aimes parler de toi. Oui. Tu aimes l'argent, tu aimes ceci, ça c'est ton problème. Oui. Mais moi, j'ai ma voix. Oui. Et j'ai compris que tous ceux qui sont attachés au bien de la terre sont les terrestres. Oui. Mais moi, je suis terrestre et céleste. Oui. Mais comme le Seigneur m'a dit que tu es céleste, c'est plus la peine d'occuper de cela. Oui. Regarde vers moi parce que bientôt je vais te chercher. Amen. Donc moi ma vision, c'est en haut. En haut. Le Seigneur. Donc quand ils sont devant toi avec les dossiers, tu dis, mais qu'est-ce que celui-ci cherche sur la terre? Alors que la terre va. Je veux dire que dans la parole de Dieu, oui. Et toi, il t'a envoyé comme directeur général des impôts, aller collecter l'argent, donner au peuple, construire les routes. Pour acheter les médicaments, pour construire les écoles, pour construire ceci, pour l'organisation de la société. Ça, c'est ce que Dieu t'a envoyé. Oui. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit de lui dire. Donc, quand je suis en face d'eux, je lui dis que bon, toi, voilà ce que Dieu t'a dit. Est-ce que c'est ce que tu fais? Oui. Non, je dis bon, dans le matin, tu seras sanctionné parce que Dieu va te sanctionner. Absolument. Mais toi, mais tu connais la sentence. Moi, je crois que si je le dis aujourd'hui, frère Junior, parce que peut-être que les gens comprennent. Les gens doute encore de ces choses-là. Oui. Mais moi, je suis convaincu. Oui. Je suis convaincu par la parole de Dieu parce que moi, ces choses-là, c'est depuis. Et quand il m'a parlé, quand tu prends une décision, elle doit être ferme. Amen. C'est pour ça, hier, quand on était en train de faire la délivrance, je leur ai dit tout à l'heure que c'est la délivrance la plus dangereuse. Oui. Faut pas lever la main. Oui. On t'enlève les démons. Les et puis demain matin, tu retournes encore, mais les 14 vont revenir. Oui. Donc, il est mieux. Il est mieux peut-être demander. Toi-même, tu te conformes à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu, au principe de Dieu, au principe de Dieu, que lui-même, il te délivre petit à petit. Mais quand vous avez levé la main, je préfère revenir là-dessus. Absolument. Il faudrait que les gens, que ces enfants-là comprennent. Celui qui a levé la main, ou celle qui a levé la main, vous devez comprendre que là, hier là, ailleurs, séparation. Vous avez décrété, ça veut dire que vous, séparation totale, vous, alliance, vous devez maintenant marcher par la volonté de Dieu. Amen. Bon. Frère Junior, il y a beaucoup, mais amen, il y a beaucoup. Amen. Chapitre 14 de 1 Corinthiens, c'est là où on était. Si elle veut s'interroger, elle s'interroge le mari, mais c'est là où on s'était arrêté. Et les femmes devaient parler à leur mari. Allons-y encore. Est-ce de chez vous, argent bon? Oui. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Vous avez compris, non? Oui. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Soulignez ça. Souligner car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Vous entendez la Bible, non? 1 Corinthiens 14, oui. Nous sommes au verset 35 maintenant. Allons-y. Est-ce de chez vous? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, oui. Qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et s'il l'ignore? Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Sur ce passage, vous avez encore parlé quelque chose. Vous avez dit, et c'est le frère qui a dit tout à l'heure, que tous les pasteurs, sans exception du Gabon, laissent les femmes enseigner. L'apôtre Paul, qui a pris la plume écrite par le Saint-Esprit, dit que si quelqu'un croit qu'il est prophète, qu'il reconnaisse que ce qu'il vient d'écrire là, c'est un commandement. Donc, quelqu'un vient aujourd'hui, il dit qu'il est serviteur de Dieu, il désobéit lui-même au commandement du Seigneur. Ça, moi, je ne peux pas comprendre ça. Vous comprenez que entre l'apôtre Paul et lui, qui est l'authentique? Paul. Ok, maintenant, si celui-là dit donc que l'apôtre Paul avait tort, vous allez dire quoi? Parce que c'est ce qu'il a envie de dire absolument. L'apôtre Paul dit ici que Dieu commande que les femmes se taisent. Que c'est à la maison qu'elle doit se demander n'importe quoi à la maison. Mais vous voyez les femmes aujourd'hui au milieu, prennent le micro, parlent, étendent leurs doigts avec les ongles des tigres là. Tendent ça comme ça là. Vous devez vous repentir d'avoir fait toutes ces choses là. Remarquez très attentivement que Dieu n'a pas mis leur côté intelligent en exergue. Il n'a pas dit qu'elles ont trop fréquenté, qu'il y a des femmes qui parlent plus que les hommes. Parce que la prédication et les choses de Dieu, il ne s'agit pas d'être éloquent. Parce que quand Dieu a envoyé Moïse, il a dit qu'il ne sait pas parler. Il dit qui a fait la bouche. Quand Jérémie a dit que je suis un enfant, il a dit que ne dis pas, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Donc ce n'est pas l'éloquence dont il est question. Ce n'est pas l'école dont il est question. Là, chapitre 4, verset 13, la Bible dit que quand l'apôtre Pierre et Jean parlaient, quand ils vivent leur assurance, ils les reconnaissaient pour être des gens du sang peuple sans instruction. Il dit comment il peut parler avec assurance comme ça. Donc c'est l'autorité de Dieu qui est dans la vie de quelqu'un qui le conduit. Ici, l'autorité de l'écriture dit si quelqu'un croit être prophète ou inspiré. Qu'ils reconnaissent que ce que je viens d'écrire est un commandement du Seigneur. Alors je pose la question, est-ce que ceux-ci qui laissent les femmes enseigner, qui les consacrent et consacrent même les filles même au milieu de l'église, faire des touches, chacun pour les touches, on amène devant vous, vous applaudissez, vous amenez même les fleurs. La consécration que vous voyez là, ça n'a rien à voir, enfin il n'y a même pas ça dans la Bible. Ça ne se trouve pas dans la Bible, il y a tellement de choses à toucher, mais je crois qu'on peut pas toucher tout en même jour. C'est au fur et à mesure qu'il parle et puis ça vient. Vous voyez, les gens font une cérémonie, après ils disent qu'on fait l'école, le cadre des disciples là. Après ils sortent, on amène devant vous, ils portent des touches. Vous avez vu cela dans l'église, un habit spécial. C'est sûr que les pharisiens qui portent des habits spéciaux. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 23. Vous n'allez pas voir un disciple dans la Bible avec un habit spécial qui le distingue des autres personnes. Qu'est-ce qu'il nous a. Jusqu'à ce qu'il y a même le col blanc aujourd'hui, quand il y a le col pastoral, il dit col pastoral. C'est quoi au juste? Ayez pitié d'eux, d'accord? Ayez vraiment pitié d'eux. Alors la Bible déclare que si quelqu'un ignore, ce qu'il ignore. Donc ils sont en train d'ignorer, n'est-ce pas? Ceux qui ont la version Thompson, ce passage qui dit, si quelqu'un ignore, c'est que Dieu l'a ignoré. C'est qu'il est ignoré de Dieu, donc Dieu ne le connaît pas. C'est ce que la Bible déclare. Alors qu'est-ce que vous en dites maintenant par rapport à 1 Corinthiens 14, Madame Ariel qui a posé la question aujourd'hui? Non, en fait, il a répondu à la question dans le premier volet. Nous sommes dans l'église. Il est question maintenant d'aller dehors. On est d'accord, non? Aller dehors, j'ai posé la question, il répondait à la question en posant d'abord. Avez-vous vu dans la Bible les femmes qui partent de façon itinérante pour aller enseigner quelque part ou prêcher? Non, ça veut dire que à partir d'un instant, c'est interdit. Ouvrez maintenant Matthieu chapitre 28, on va toucher le cadre de cela et le cadre de baptême de celui-ci. Matthieu 28. On va lire maintenant, vous allez voir comment c'est amusant. La Bible, votre Bible est amusante. Vous allez voir vraiment que c'est amusant. Amusant. Matthieu chapitre 28. Dès que vous avez ouvert, je vous dis le verset que vous allez lire. En fait, c'est le dernier chapitre de Matthieu. Vous y êtes? Frère, lis-nous le verset 19. Le premier mot du verset 19. Allons-y à haute voix. Allez. Je vous pose la question maintenant à vous. À qui est-ce que Jésus dit allez? Oh. Ici. Voilà. Allons-y. Faites de toutes les nations des disciples. Stop. Les pasteurs de cette époque appellent ça la grande commission. Commission. La grande commission. Vous lui posez la question. Qu'est-ce, sur quoi vous basez pour dire que ça c'est la grande commission, la commission qui est grande. Alors maintenant, la sœur là qui a posé la question, elle te pose la question. À qui est-ce qu'on s'adresse ici? Ça concerne qui? Tu es un disciple du Seigneur? Tu n'es pas un disciple du Seigneur Jésus? Ouais, la Bible commence à être compliquée. Qui est disciple ici? Tous ceux qui sont disciples, levez les doigts. Ok, c'est bon. Donc arrête, tu n'es pas disciple du Seigneur. Toi, tu es disciple du Seigneur. Ok, maintenant, donc c'est à toi qu'on s'adresse ici. Dans ce Matthieu chapitre 28, il a dit quoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples. On arrête, on s'arrête d'abord dans le premier bout de phrase. Ça, c'est tu es disciple, hein, ma chère? Ça te concerne? Donc Jésus t'a dit d'aller. J'essaie d'aller doucement, pour que vous compreniez le non-sens qui fait que le pasteur vous embrouille. C'est pour ça qu'on va lire ça doucement jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'il y en a. Je pose la question, qui sont ceux qui sont disciples ici? Dans cette salle, c'est vous tous qui êtes disciples, levez les doigts. Voilà, donc vous êtes tous disciples. Il y a les femmes maintenant qui doutent maintenant que non, je suis disciple. Ok, bon maintenant, mettez le doigt ici, on va voir quelque chose, d'accord? Mettez le doigt, rentrons dans le livre de Luc. Livre de Luc, chapitre 8. N'ayez pas peur de la Bible, d'accord? N'ayez pas peur de la Bible. Comment on lit la Bible encore? Vous allez vous écrivez encore. Luc chapitre 8. Luc le chapitre 8. Quand vous avez fini, on va aller à l'Acte chapitre 9. Verset 36. Alors, Luc chapitre 8, verset 1. Qu'est-ce que ça dit? Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Oui. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui. Les 12 étaient avec lui. Oui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Il était parmi quoi? Parmi qui? Et quelques. Que femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Donc ils étaient où? Avec Jésus. Avec Jésus. Donc ils étaient disciples. Alors dans Acte chapitre 9. Il faut d'abord mettre ces choses juste pour que vous compreniez. Acte des Apôtres chapitre 9. Je veux d'abord vous faire comprendre tout cela. Maintenant on revient dans Matthieu chapitre 28. D'accord? Acte chapitre 9, verset 36. Qu'est-ce que ça dit? Il y avait à Joppé, oui, parmi les disciples, oui, une femme nommée Tabitha. Donc Tabitha était où? Elle était disciple. Donc il y a des disciples femmes. Parce que disciples, ça veut dire que ceux qui suivent les enseignements du Seigneur. Oui. C'est compris, non? Oui. Il y a été dans ma question. Qui sont ceux qui sont disciples ici? Levez la main. Voilà. Donc maintenant, vous avez compris. Avec la définition de la Bible, maintenant, vous avez compris que vous êtes disciples. Sous réserve qu'il donne autre enseignement. Parce que dans l'autre enseignement, vous allez croire que vous n'êtes plus disciples. Attendez seulement. Bon, maintenant, rentrons dans Matthieu chapitre 28. Réalisons encore les trois premières phrases du mot là de Matthieu chapitre le verset 19. Allons-y, allez. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ici, on a de voir que c'est une instruction. Et là, de s'adresser aux personnes d'aller, n'est-ce pas? C'est donc pour cela que les pasteurs appellent ça la grande commission. Mais une fois de plus, la question qu'on a posée ici, c'est ils s'adressent à qui? Oh là maintenant. Est-ce que les femmes, ça vous concerne? Non. Je veux donc vous me justifier pourquoi ça ne vous concerne pas ici. Sur quelle base vous pouvez dire ici ça concerne les hommes, ça ne concerne pas, parce que ça il faut voir ça au clair. Sur quelle base? Je veux qu'une femme me dise voilà le verset qu'on allait lire. Il n'est pas dit vous les apôtres, je vous dis d'aller, d'accord? Maintenant il dit voici allez faites des nations des disciples. Allons-y. C'est parce qu'on demande, on dit d'aller dans toutes les nations. Oui. Donc la femme n'a pas le droit de parler devant les gens. Oui. Donc c'est forcément. Quand toi tu vois la femme là te parler devant toi, pourquoi tu n'as pas demandé cette? Une autre réponse, une autre femme. Une femme donne une autre réponse. Quelle est la autre explication? Bon, on dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Vous commencez à voir qu'en réalité, si vous dites vrai, que ça ne concerne pas la femme, vous commencez à entrer dans la pensée de Dieu. Parce que faire des disciples, c'est avec l'autorité. Parce que vous donnez des instructions aux gens pour les pousser à changer de voie. Ça, c'est le bâton de commandement, le verge. Ça doit être commandé. Vous voyez cela? Ça, c'est un. Maintenant, ça peut encore être superflu. Alors, je pose la question, pourquoi les pasteurs lisent ici, ils disent, vous entendez les idées des pasteurs, ils ont peut-être 30 personnes, ils disent que vous devez aller partout, Jésus a donné la grande commission, aller dans votre maison, vous allez partout, votre Jérusalem, c'est votre maison. Écoutez bien encore, votre Jérusalem, ce n'est pas votre maison, parce que eux-mêmes, leur propre famille n'est pas convertie, vous savez ça? Il dit, le pasteur, on s'assure pas, vous voyez, leurs enfants fument les drogues dehors. Et on, il faut lui dire que, pasteur, toi-même commence par ta propre Jérusalem que tu définis là. Or, la Bible dit que les enfants des serviteurs de Dieu ne doivent pas être accusés de débauche. Ce sont eux qui couchent au quartier partout et ailleurs maintenant. Alors maintenant, alors on dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Allons-y, le suivant, voici sur le suivant. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors stoppons là-bas. Vous voyez qu'il y a un problème ici. C'est ici chaque fois, les femmes qui partent annoncer l'évangile, quand elles me rencontrent, c'est ici, là où je les arrête. Je pose la question comme s'ils ne connaissent pas d'abord. Je dis que pourquoi tu pas prêcher? Il dit Jésus a donné la grande commission. Elle croit qu'il ne connaît pas le verset. Il dit où ça? Il dit Matthieu 28. Il dit quoi? Il dit allez. Il dit Jésus a dit ça à toi? Il dit oui. Il dit pourquoi? Il dit il a dit à tous ses disciples, je suis disciple. Ok, c'est bon. Alors il t'a dit d'aller prêcher. Il dit oui. Ok. Si je crois là, tu vas aller me baptiser, c'est là où elle se rend compte qu'il y a un problème. Parce que le verset c'est dit ceux à qui il a fait le disciple ont l'autorité de baptiser. Il lui dit ok. L'autre m'avait dit, elle m'a appelé de la Suisse parce qu'elle me voyait faire des choses. Elle dit que non, est-ce que c'est conforme à la Bible? Je dis oui. On a commencé à causer. Quand il lui a demandé, elle est allée lire ce verset. Il lui dit ok, dans ce cas, il te pose la question. Toi, tu annonces l'évangile? Il dit oui. Et il est conforme à quelle partie de la Bible? Elle m'a dit dans Matthieu 28. Il dit quand tu annonces là, tu peux baptiser. Elle dit que si j'annonce, si la personne accepte Christ, je vais appeler un frère pour aller le baptiser. Vous voyez, c'est le témoignage ici pour montrer qu'elle est dans le faux. Parce que la Bible dit clairement, la personne à qui elle a dit allez, elle a dit vous devez faire. Vous voyez, faites des disciples, les baptisants. On fait les disciples en les baptisant. On fait les disciples en les baptisant. Alors si tu dis que c'est à toi qu'on a dit allez, fais jusqu'au bout. Et maintenant, cette personne-ci qui doit faire ça, le volet souvent dit enseignez-le. Vous avez vu? Un 45 dit clairement que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça lui est interdit. Vous avez vu cela, frère? Alors maintenant, je pose la question. Vous, en tant que femme, vous avez l'autorité de baptiser? Non, non. Dieu a quelqu'un qu'on n'a même pas honte. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui me dit que c'est une femme qui m'a baptisé. Non, non. Vraiment, un poule mouillé. Alors, regardez très attentivement. Il faut des petites choses comme ça pour pousser les gens à bien réfléchir. Bon, maintenant, au-delà de ces réflexions, il faut maintenant qu'on lise à qui, de façon spécifique, Jésus s'adresse, pas vrai? Rentrons au verset 16 maintenant, commençons à partir de là. Allons-y. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Stop. Les qui? 11 disciples. Donc dans le contexte où Jésus est en train de parler, il y a qui là-bas? 11 disciples. Y a-t-il une femme parmi? Non. Donc, quand il parlait, il n'y avait pas une seule femme parmi. Donc ça concerne spécifiquement la gente masculine. Vous voyez? Quand Jésus est en train de parler à ses disciples, à tout le monde, et qu'il y a s'il y a 11 hommes et il y a une seule femme, quand il dit allez, ça veut dire que la même instruction est donnée aux hommes et à la femme. Mais ici, de façon spécifique, il leur a donné d'abord rendez-vous sur une montagne spécifique où il doit donner cette instruction-ci. Le contexte de Matthieu 28 ne trompe pas. Donc, la grande commission, c'est une petite commission à un petit nombre de personnes. Pour l'enseignement de l'Église, Jean chapitre 3 dit qu'il n'y ait pas parmi vous, plusieurs personnes qui se mettent à enseigner. Donc, même parmi les hommes, ce n'est pas que tout le monde doit enseigner. On dit, parce que vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. C'est parce que c'est ici. Parce que les gens entendent, vous allez dire, non, non, non, pourquoi vous interdisez, vous allez éteindre les dons qu'il y a dans les femmes. Les dons de prostitution et de destruction. Il dit, ok, maintenant, si vous faites comme ça, la Bible ne dit pas que si vous êtes homme, vous êtes qualifié pour enseigner. La Bible dit, même parmi les hommes, plusieurs ne doivent pas se mettre à enseigner. Donc, il ne suffit pas d'être homme pour être qualifié. Quand vous êtes homme, la Bible déclare donc maintenant, pour être évêque, c'est-à-dire surveillant, c'est-à-dire ancien, vous avez 19 conditions à respecter. Vous avez 19 conditions. Allons dans ces conditions donc. Donc nous avons vu ici au verset 16 de Matthieu, chapitre 28, qu'il s'agit des hommes qui étaient spécifiquement à qui Jésus s'adressait, n'est-ce pas? Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Avant même l'interprétation de tous les versets qu'on a fait là, Jésus s'adressait aux hommes, ça concerne les hommes. Amen. Amen. On va prendre quoi? Prenons Tite d'abord. Tite. Et vous ouvrez 1 Timothée, 2 Timothée, puis le livre de Tite maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Donc dès qu'il finit là, il répond, il regarde les questions. Donc celui qui pose la question sur Matthieu 28 là et Actes chapitre 2, par rapport au baptême, il y a les enseignements sur ça concernant cela, de quel baptême tu as été baptisé, les explications, tout cela. Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 5. Notez aussi 1 Timothée chapitre 3. Alors, si chapitre, je t'ai laissé en Crète. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et selon? Et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Oui. s'il s'y trouve quelque homme irréprochable. Stoppons là-bas. Tite chapitre 1, mon frère. Tite chapitre 1, verset 5. Regardez. Il dit, la première condition de ces hommes a été établie là-bas, c'est qu'ils soient quoi? Irréprochables. Oui, un. Mari d'une seule femme. Alors, deuxième condition. Vous allez les suivre. Deux. Ayant des enfants fidèles. Les enfants doivent être comment? Fidèles. Continuons. Qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Vous entendez? Donc vous voyez un serviteur, vous voyez ses enfants. Vous pouvez savoir s'il est appelé de Dieu ou pas. Continuons. Ah, cas, oui. Attendez, attendez. Vous pouvez avoir les prérogatives des relations sentimentales. Moi, je n'en ai aucun sentiment que les sentiments du Seigneur. Amen. C'est pour ça que ça doit être prêché tel que cela. Toute personne, écoutez, toutes ces conditions doivent être remplies. Si quelqu'un n'a pas ces conditions, il est disqualifié pour être ancien de l'église. Être ancien de l'église, ça ne veut pas dire que tu portes le blanc blanc. Tu as les cheveux blancs sur la tête. On appelle suivant, on n'a pas dit ancien, parce qu'il y a deux mots pour ancien dans la Bible. Presbytério, ce qui veut dire la personne du vieillard. Et épiscopos, ce qui veut dire la personne du surveillant. Celui qui suivait, qui a grandi en maturité. Donc la personne du vieillard est différente de la personne. Parce que c'est vrai que les cheveux blancs sont une couronne, comme la Bible le dit. Mais il y a de tels vieillards qu'il faut encore leur apprendre les rudiments des enfants. Vous saisissez cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas compréhensible que dans une assemblée, un vieillard soit là en train de sortir avec les petites filles, à la position de l'ancien. Donc quand vous venez, vous dites, papa, ouvre le conseil. Il dit, viens me trouver à l'hôtel. Ça n'a pas de sens. Il lui faut la délivrance. Vous saisissez, n'est-ce pas? Il dit, si tu trouves quelques personnes irréprochables, mari d'une seule femme. Il y a des gens ici qui connaissent que le pasteur, s'ils sont avec une autre fille, mais chaque fois, il parle là-bas pour qu'il impose les mains. Tu sais que le pasteur, d'autres viennent me dire que le pasteur m'a même dragué. Le pasteur te drague. Et tu l'as avec là. On dit que il doit être mari d'une seule d'une femme. Ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche. Continuons. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Vous avez vu, n'est-ce pas? Soulignez ça. Dans le surveillant. On parle des anciens. Qui doivent être quoi? Irréprochables. Maintenant, vous avez vu maintenant en contraste, dans la première partie, nous avons vu les caractéristiques, ce qui caractérisait les faux, n'est-ce pas? Oui. Vous commencez à voir les caractéristiques du vrai. Mm-hmm. Ce sont ces personnes-ci, donc maintenant, les faux, qui peuvent maintenant venir vous dire qu'un homme, le plus grand homme sur la terre, a ses péchés, son péché mignon. Pointe quelqu'un. Dis que tu as le péché, si tu as un péché mignon, tu as une cellule mignonne en enfer. On doit se repentir absolument. Absolument. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, parlant aux évêques maintenant, aux anciens, il leur donne les instructions. Il dit, voici les exhortations qu'il adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ. Il dit, percez le troupeau qui sont sous votre garde, non pour un gain sordide. Donc les apôtres du Seigneur ne pensent pas les gens pour le gain. Notez 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Dès qu'on finit ici, on va y aller. Merci Père. 1 Thessaloniciens au chapitre 2. 1 Thessaloniciens, notez-y. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas que ça se trouve dans la Bible. Vous allez trouver ça maintenant. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, on dit que cette personne-ci doit être quoi? Irréprochable. Enfin, quand on dit irréprochable, ce n'est pas en parabole, non? Vous comprenez ce que ça dit, non? Mm-hmm. Irréprochable. Continuons. Comme économe de Dieu. Oui. Qu'il ne soit ni arrogant, un. Ni colère. Ni quoi? Ni colère. Soulignez ça et puis vous comparez vos pasteurs. Touchez à l'argent, vous allez confirmer. Continuons. Maintenant, regardez très attentivement. Vous-même, maintenant, vous pouvez faire maintenant le tamis avec vos pasteurs. Regardez, quand un pasteur, vous savez, quand vous avez un miroir, vous pouvez mettre comme ça, vous regardez quelqu'un dedans. Quand quelqu'un se tiendra devant vous, mettez type comme ça. Vous regardez type. Vous le regardez. Vous allez voir si c'est lui que vous voyez là-dedans. Si ce n'est pas lui que vous voyez là-dedans, c'est qu'il ne se trouve pas là-dedans. Vous comprenez? Continuons. Ni adonné au vin. Vous avez entendu? Ni adonné au vin. Il ne veut pas parler des festins et des places VIP. Continuons. Ni violent. Oui. Ni porté à un gain déshonnête. Vous avez entendu? Soulignez ça. Ni porté à un gain déshonnête. Les gens qui obtiennent l'argent frauduleusement, malhonnêtement. L'apôtre Pierre a utilisé le langage, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Gain déshonnête, oui. Mais qu'ils soient hospitaliers, un. Amis des gens de bien. Stop. C'est un défi pour les gens d'aller chez les pasteurs et bien se sentir. C'est pour cela qu'ils ont les bureaux où ils doivent recevoir. Parce que c'est une clinique. Ils ne vous reçoivent pas dans leur maison. Parce qu'il y a des mauvaises habitudes dans leur maison. Ils sont chiches, ils peuvent manger votre argent, mais vous ne pouvez pas venir dans leur propre maison. Amen. Allez chez un pasteur et vous mangez. Vous comprenez? Vous pouvez venir avec les dîmes. Vous restez dehors, vous tendez à aller dedans. Vous sortez, vous partez. mais ils ne veulent pas venir chez vous. Or, ils doivent être hospitaliers. Les chrétiens doivent se sentir à l'aise chez chaque chrétien, y compris chez le pasteur. Il dit bien, c'est un défi. Continuons. Amis des gens de bien, oui. Modérés, oui. Justes, oui. Saints, oui. Tempérants, oui. Attachés à la vraie parole. Voici encore le vrai problème ici. Attachés à la vraie parole telle qu'elle est, telle qu'elle a été enseignée. Vous avez suivi? Je vais vous souligner ce bout de phrase. Attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Donc il n'y a pas une nouvelle doctrine à enseigner. Il doit être attaché à la parole telle qu'elle a été achetée. On appelle ça la sainte doctrine. On dit afin d'être capable de réfuter le quoi? Les contradicteurs. C'est bon. Alors on a 1 Timothée chapitre 3 avant d'aller dans 1 Thessaloniciens. Puisque les livres là dont je citais se trouvent tout proche. Rentrons dans 1 Timothée 3 avant d'aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 dont je vous ai donné. Les livres sont très proches, d'accord? Donc, rentrer dans 2 Timothée, puis dans 1 Timothée, maintenant au chapitre 3. Après ça, on va rentrer aussi subitement dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 2. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut que vous soyez des livres vivants, des lettres vivantes pour le Seigneur, d'accord? Vous êtes dans 1 Timothée au chapitre 3. Maintenant, 1 Épître de Timothée au chapitre 3. 1 Épître de Timothée au chapitre 3. Après, ça va vous amuser. Je vais noter ça aujourd'hui. Notez 2 Corinthiens chapitre 12. C'est merveilleux, tout simplement. Maintenant, écoutez, chapitre 3, à partir du verset 1. Si cette parole est certaine, oui. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, oui. Il désire une œuvre excellente. Oui. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Stop. Ouais, la deuxième fois, on dit la même chose. Les évêques, les enfants que vous connaissez, sont irréprochables. Non, ne répondez pas. Ils vous remettent seulement en question. Allons-y. Mari d'une seule femme. Mari de combien de femmes? Une seule femme. Continuons. Sobre. Modéré. Oui. Réglé dans sa conduite. Oui. Hospitalier. Vous avez entendu le mot? Soulignons hospitalier. Oui. Propre à l'enseignement. Oui. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Vous avez entendu? Oui. Ni violent. D'autres bagarres même. D'autres bagarres vraiment. Oui. Mais indulgent. Oui. Pacifique. Oui. Désintéressé. Désintéressé. Oui. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Écoutez le lieu d'entraînement d'un évêque, le lieu du pasteur, là où Dieu l'attend d'abord en premier. Allons-y, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, oui. Et dans une parfaite honnêteté. Pourquoi? Le Saint-Esprit justifie. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, oui. Comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc pour regarder si vous avez un bon pasteur devant vous, vérifiez sa maison. Amen. Si sa maison est en désordre, vous ferez mieux de lui quitter. C'est ce que la Bible déclare. Vous ne devez pas mettre le sentiment. Vous ne devez pas mettre les sentiments. Allons-y. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Vous avez suivi? Maintenant, arrêtons-le là-bas et commentons. Comment quelqu'un va venir parce qu'il travaille à tel poste de la République? On dit, toi, assieds-toi ici. C'est un nouveau converti, oui ou non? Parce qu'on a vérifié toutes les autres conditions. On a seulement dit que ton poste, si c'est toi qui as beaucoup d'argent, on te donne un poste. Est-ce qu'on donne un poste comme ça? Vous voyez, là on se retrouve aujourd'hui avec les pasteurs, n'est-ce pas? Allons-y. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et c'est pour cela que le Satan utilise beaucoup de ses anciens, parce qu'ils ne sont pas entrés conformément à l'Écriture. Si on ne marche pas conformément à l'Écriture, les pieds sont dans les ténèbres. Parce que la Bible déclare dans Psaume 119, verset 105, que ta parole est une lumière à nos pieds, une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Vous devez marcher selon la parole. D'accord? Amen. Un Thessalonicien, c'est bon mon frère. Donc, maintenant voilà 19 conditions. Vous jumelez les petits chapitres 1, verset 5 là et 1 Timothée 3 là, qu'on a lu là. Vous commencez à voir vous écrivez dans votre cahier ou à la maison, dans votre méditation, vous écrivez conditions pour diriger l'église du Seigneur. Vous notez, première condition, irréprochable. Deux, ici. Si vous arrivez quelque part où ce n'est pas clair, demandez l'explication au Saint-Esprit pour qu'il vous donne, vous expliquer là-bas. Après désormais, vous allez regarder les hommes en vertu de ça. Oh! C'est un grand homme de Dieu. Il a ouvert une grande église au Nigeria. Il a des églises partout dans le monde. Il a parcouru le monde. C'est un référent pour être un grand homme de Dieu. Non. Que Dieu nous en préserve maintenant, d'accord? Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Oui. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu. Pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Oui. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, oui. ni sur des motifs impurs. Vous avez suivi ça? Ni sur la fraude. Ni sur la fraude. Continue. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, oui, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, oui, mais pour plaire à Dieu. Dans l'évangile, nos cœurs. Voilà le serviteur de Dieu. Amen. Il ne fait pas pour faire, les choses. Quand vous avez les problèmes au niveau de l'assemblée, au lieu de régler les problèmes selon la justice, il supporte celui qui a de l'argent. Il commence à mettre à l'écart celui qui n'a pas de l'argent. Ça n'a pas de sens. Continuons. Jamais, en effet, oui, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Oui. Comme vous le savez. Vous entendez ça, hein? Oui. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Soulignez ça. Dieu en est témoin. Dieu en est témoin. Il dit jamais dans leur pensée, quand ils annonçaient l'évangile, ils n'annonçaient pas pour tourner, pour prendre de l'argent par la suite. Jamais nous n'avons pas eu la cupidité pour mobile. Continuez. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Oui. Ni de vous, ni des autres. Oui. Nous aurons pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Donc, en tant qu'apôtres de Christ, ils ont l'autorité. Vous savez pourquoi ils vous ont dit que le ministère d'Éphésiens 4, on leur donne sa vraie autorité. Donc, et puis c'est pour ça qu'il peut commander que vous devez être baptisé. Il commande que vous devez être baptisé. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Maintenant, je veux qu'on aille dans l'autre chapitre que je vais donner dans 2 Corinthiens 12. Vous allez voir comment quelque chose est amusant. Et vous allez vous souvenir dans la première partie, si on a lu le lieu où je vous ai dit, Jésus avait plus de 5000 personnes qu'il a nourri. Et j'ai dit que s'il avait, chacun donnait un denier, il ferait 14 ans en mangeant sans avoir besoin d'aller encore travailler. Disons quelque chose maintenant dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 12. Lisons à partir du verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, oui, par une patience à toute épreuve, oui, par des signes, des prodiges et des miracles. Oui. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Il veut que vous compreniez bien ce que l'apôtre Paul dit, d'accord? Et allons-y. Sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge. Il n'a jamais été à charge à l'église de Corinthe. Oui. Pardonnez-moi ce tort. Oui. Voici. Pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous. Oui. Et je ne vous serai point à charge. Oui. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Vous entendez ça, hein? Donc, ce n'est pas leur argent qu'il en est de chercher. C'est eux-mêmes, ils veulent gagner à Christ. Continuons. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents. Oui. Mais aux parents pour leurs enfants. Soulignez ce verset. Vous appelez les pasteurs papa, n'est-ce pas? Amen. Vous allez chez papa, papa. La Bible dit ici que qui doit amasser pour qui? Ce sont les parents qui doivent amasser. C'est vous qui les amassez. Vous les appelez papa, non? Mm-hmm. Que daddy, oui, mon père. C'est pas ça? Oui. Relisez encore le verset là. Ce n'est pas... Car ce ne sont pas ce que je cherche, c'est vous-même. Mm-hmm. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Dans ce rapport-là, l'apôtre pouvait dire qu'entre les deux, qui doit donner à qui? C'est le père. Le pasteur qui doit le donner. Donc, désormais, quand vous appelez papa, vous dites papa, donne-moi de l'argent, d'accord? D'accord? Et vous riez encore. C'est ce qu'on a dit là-bas. On a dit c'est pas aux enfants d'amasser. Vous avez vu quelque part où ce sont les parents qui héritent des enfants? Hein? Non. Qui hérite? Donc quand vous appelez votre pasteur papa, ça veut vous attendez de lui. Le matin, quand vous dites que mes enfants, quand les enfants disent papa, maman, c'est parce qu'ils attendent quelque chose de vous. Ils disent ce n'est pas aux enfants amassés pour les parents, c'est aux parents qui l'amassent pour les enfants. Parce que le parent prépare le relais parce qu'il va quitter, les enfants vont hériter. N'est-ce pas? Donc si vous l'appelez père, papa, demandez-lui de l'argent. Ne lui donnez pas. Fermez la Bible. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là. Je crois que la prochaine fois qu'elle va venir, elle va entrer encore en détail là-dedans. Mais vous avez de façon sommaire tous les éléments maintenant pour quitter les ténèbres. Amen. Pourquoi ne vous frappe plus de l'argent, d'accord? Amen. J'attends vos questions. Moi, c'est toi, je veux savoir, est-ce qu'il y a une différence entre un ancien et un pasteur? Les anciens sont des pasteurs. C'est encore notre problème aujourd'hui là. Oui. Vous êtes un pasteur, dès que j'ai nommé celui-ci ancien. Juste en ce sens, on le place. Que celui-ci est ancien, je l'ai nommé ancien. La plus grande autorité de l'église, c'est les anciens. En dehors des anciens, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Vous comprenez? La plus grande autorité d'une assemblée, ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un prophète. Ce sont des anciens. Même les prophètes, les pasteurs sont au milieu des anciens. Regardez encore. Pierre. J'ai cité ça ici tout à l'heure. 1 Pierre chapitre 5. Vous y êtes? 1 1 Pierre chapitre 5, lis le verset 1, suivez le temps que vous ouvrez, vous allez suivre là. Allons-y. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Donc, l'apôtre Pierre dit, voici les exhortations qu'il adresse aux anciens. Donc, il dit de façon spécifique, il parle aux anciens, aux dirigeants, n'est-ce pas, aux conducteurs. Puis il dit, moi ancien comme eux. Donc lui-même qui est apôtre est aussi un ancien. Comme il est apôtre, il n'est pas en haut. Et puis les anciens sont ici. Quand il est apôtre, c'est un rôle dans le corps des anciens. Il y a des anciens qui dirigent. Et les anciens qui enseignent. Ce n'est pas tous les anciens qui enseignent. Il y a des anciens qui sont là pour conseiller. Les anciens qui sont là pour donner aux jeunes garçons, aux jeunes filles. Il y a des enseignants qui sont spécialisés dans l'enseignement. Ce n'est pas tous les anciens qui doivent diriger. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc c'est un corps et dans lequel chacun a sa spécialité. Ça encore, il faut falloir enseigner cela. Donc si vous voyez un pasteur que j'ai nommé, c'est même très grave encore qu'il y a aujourd'hui les pasteurs qui consacrent les apôtres. Quand ils consacrent les apôtres, un temps tu l'appelles encore pasteur, il dit qu'il n'est plus pasteur. Tu dis qu'il est comment? Il dit qu'il est archevêque. Tourne-toi, regarde quelqu'un. Il dit qu'il n'y a pas archevêque dans la Bible. Il n'y a pas archevêque dans la Bible. C'est chez les catholiques que ça se trouve. C'est chez les catholiques que ça se trouve. Et les catholiques ont leur Bible. Et les catholiques ont leur Bible. Voilà. Il n'y a pas d'archevêque, ça ne se trouve pas dans la Bible. Il y a les évêques. Les évêques, c'est la plus grande. On a lu là-bas que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il aspire une œuvre excellente. C'est la meilleure, c'est la dernière œuvre là-bas. C'est le maximum là-bas. D'accord? C'est le dernier poste là-bas, si on peut appeler ainsi. Après ça, il n'y a pas d'archevêque. Archevêque, ça veut dire le chef des évêques. C'est la tête babylonienne avec la pyramide. Vous voyez, à Rome, il y a une personne. Et puis, au-dessus, il y a les. Ah, c'est quand même curieux, ces gens-là. C'est à juste titre que ça, tu vas dire que c'est la bombe nucléaire qui va les frapper là-bas au Vatican. Attendez seulement. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que vous voyez les pasteurs pentecôtistes. Okay? Si le Gabon crée son ministère, il y a une branche au Cameroun, une autre branche là-bas, subitement son titre change. Il dit qu'il est maintenant, il est le général Ovasia, donc le général qui voit au-dessus de tout. Il commence maintenant à faire, il dit son quartier général, c'est. Vous voyez, il est en tête ici là. Tous les civils qui sont là-bas, quand ils collectent des fonds, ils envoient l'autre au Gabon. C'est la même chose comme les catholiques. Pas étonnant que vous allez voir les pentecôtistes maintenant que les prêtres commencent à voir aussi, ils commencent à porter les tiers exactement comme les prêtres catholiques. C'est le témoignage pour montrer qu'ils sortent de Babylone. Et petit à petit, il y a la réunion écuménique qui se pose. On dit que non, nous tous servons le même Dieu. On fait la réunion pour la paix au Gabon. La réunion, c'est ici, ils participent. Petit à petit, ils sont en train d'être absorbés pour retourner à Babylone. Sortez de Babylone. Pointez quelqu'un, dit sort de Babylone. Sort de Babylone. Voilà. Mais frère Junior. Oui. Et donc, le pape n'est pas le représentant de. De Dieu sur l'église. Ce qu'est l'église? Non, l'église catholique. Prenez Acte chapitre 1. Vous savez que les cardinaux sont. Regardez encore le mot cardinaux. Vous savez, le cardinaux, ça veut dire quoi le cardinaux? Bon, c'est ça. Vous savez que tous sont les évêques, non? Après, parmi les évêques, on veut un évêque qui est au-dessus. Vous avez très bien que désormais il s'appelle pape. Vous savez ce que ce pape veut dire? Pape, ça veut dire quoi? Père. C'est père. Et on l'appelle le très saint. Père. Bon, s'il est le très saint père, Dieu lui, il est quoi? Vous voyez le titre qu'on a pris, n'est-ce pas? Et c'est à juste titre que ce pape-là avait dit que nous tenons sur la terre la place de Dieu. C'est quand même terrible. Il y a plus grave que l'abomination, c'est là-bas. Parce que la Bible déclare qu'avec des noms de blasphème. Des noms, des titres blasphématoires. Vicaros Filis Dei, vicaire fils de Dieu. Il dit, vicaire fils de Dieu, c'est-à-dire le remplaçant du fils de Dieu. Jésus dit dans la Bible que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'esprit de vérité. Donc, personne n'est orphelin sur la terre. Ses enfants ne sont pas orphelins. Et il dit que c'est eux qui sont vicaires. Jésus dit, moi, j'envoie l'esprit de vérité. Donc, il prend la place du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1. Lui, verset 14, écoutez très attentivement. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Écoutez très attentivement. Qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Oui, écoutez bien. Il était compté parmi nous. Stop, Judas était compté parmi. Écoutez, vous allez voir là où ça nous conduit. Allons-y. Et il avait part au même ministère. Oui. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant, chant du sens. Oui. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Oui. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Oui. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus et Matthias. Oui. Puis ils firent cette prière. Stoppons d'abord la prière. Qu'est-ce qu'on a voulu faire dans cette réunion? C'est avec la, qu'est-ce que les apôtres veulent faire? Remplacer Judas. Il veut faire quoi, frère? Compléter. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut remplacer le Judas. En faisant comment? En faisant tirage au sort. Tirage au sort. Comment le pape est, comment on fait pour avoir un pape? Les élections. Les élections. C'est-à-dire que le tirage au sort. Je vous pose la question. Est-ce que dans la Bible, on a remplacé Pierre? Quel est le disciple qu'on a remplacé par vous? Judas. Mais les papes disent qu'ils sont successeurs de qui? Et Pierre. Judas. Les papes disent qu'ils sont successeurs de qui? Pierre. Quel est le disciple qu'on a remplacé dans la Bible? Judas. Donc arrêtez, le pape est le remplaçant de Judas. Absolument. C'est le seul apôtre qu'on a voté pour remplacer. Donc, il n'y a pas de succession apostolique. On ne remplace pas un apôtre. C'est Judas qu'on a remplacé. Donc, l'église catholique, le chef, pour répondre à ta question, le chef de l'église catholique, il continue comme ça la vie de Judas. Parce que c'est celui qui ne tient pas dans la vérité. Il ne remplace pas Pierre parce que le sacerdoce que nous avons sur le sacerdoce de Melchizedek n'est pas transmissible. Vous voyez cela? Donc, on ne vote pas les apôtres. Les apôtres se rencontrent avec le Seigneur. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Donc, le pape n'est pas le représentant de Dieu sur terre. Il n'a rien de Dieu. Il a tout de Satan. Tout de Satan. Même s'il parle du Christ, le Christ, c'est le dragon là-bas. Des questions? Vous n'avez pas de questions aujourd'hui? Après, je voulais savoir, c'est-à-dire, lorsque dans les évangiles, c'est Jésus qui dit ceci, qui dit cela, il dit tout ce que vous avez lié sur terre. Vous liez sur la terre, cela lié au ciel. Voilà, je ne pourrais pas ça. Oui, bonne question. Maintenant, même l'Église catholique utilise ça, non? Parce que pas des liens, des déliés. Oui. Je voulais savoir pour vraiment de quoi il parle à l'intérieur. Là, maintenant, vous me permettez de toucher quelque chose. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Donc, dans ce qu'il a de dire, se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Si vous lisez Matthieu, chapitre 18, là on parle lorsque les gens auront des problèmes. Si ton frère a péché contre toi, va et reprend lui ton frère, toi et ton frère. Si tu le gagnes, si tu es là, si la sève, c'est que tu as gagné ton frère. S'il n'écoute pas, va avec toi, avec. Alors, on va le rencontrer avec deux ou trois personnes afin que ces choses soient réglées entre vous, n'est-ce pas? S'il n'écoute pas, dis-le à l'église. Et si tu refuses de quitter l'église, la Bible déclare qu'il faut le considérer comme un païen, un publicain. Puis Jésus lâche cette parole dont il a dit maintenant, que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Donc en concernant cela, notre Jean au chapitre 20, notez, j'ai dit que vous prenez quel livre là maintenant? 2 Corinthiens 10. Notez ceci, concernant sa question. Ne notez pas le verset en désordre. Il s'agit ici de tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. En quoi est-ce que ça réfère? Parce que c'est ça, avec ça que l'Église catholique a pris pour... L'adulateur a pris pour traiter les rois de la terre comme ça, au moment où il y avait les potentats et autres. Ils pouvaient anathémiser les rois et autres, Napoléon, disgracer Napoléon en disant que tu n'as pas de place au paradis. Bon, maintenant, notez dans 2 Corinthiens chapitre 10, Jean chapitre 20, verset 21. Non, verset 22 et 23. Jean chapitre 20, verset 22 et 23. Vous avez noté? Notez 1 Corinthiens chapitre 5 et 2 Corinthiens chapitre 7. Pardon? 1 Corinthiens chapitre 5 et 2 Corinthiens chapitre 7. Tout à l'heure, par exemple, nous avons lu dans le livre de 1 Thessaloniciens où l'apôtre Paul a dit que nous aurions pu nous produire comme apôtres de Christ, n'est-ce pas? Voilà. Notez aussi Matthieu chapitre 18, puisque c'est là où est issue sa question. Maintenant, notez Actes chapitre 15. Vous encadrez Actes chapitre 15, parce qu'il va expliquer ce qui s'y trouve. Actes chapitre 15. Notez ça, vous encadrez. Voilà. Lisons 2 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5. Allons-y. Écoutez très attentivement. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes aussi... Nous sommes prêts à, aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Stoppons là-bas. Vous avez entendu ce que l'apôtre Paul a dit? C'est pour ça que ce ministère apostolique, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il dit que je suis au milieu de vous, humble d'apparence, mais quand je suis avec hardiesse. Parce que les gens disaient que l'apôtre Paul, comme il est petit, il était petit comme moi, comme ça. On dit que l'autre, il bavarde. Comme on lui dit, il est difficile comme ça, alors qu'il est ici, il est faible. Alors il a dit, comme je vais venir chez vous. Enfin, si vous lisez depuis tout le chapitre 10, vous allez voir. Il dit, ceux qui sont de parler ainsi, quand je vais me présenter là-bas, on va tester leur puissance. On va confronter, on va aller de puissance en puissance. Pour qui? Parce qu'il veut savoir si c'est Christ qui parle au travers de moi. Je vais lui montrer qu'effectivement que Christ parle en moi. Il veut donc, il dit, vous voulez que donc il montre l'autorité que j'ai en Christ. Faites attention donc, c'est pour ça qu'il dit dans les enseignements que les prédicateurs envoyés de Dieu ont les armes offensives et défensives. Ils ont les armes offensives et défensives. Gardez le doigt, on va enlever quelque part, vous allez voir une de ces armes-là. Allons au chapitre 13 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13. Écoutez très attentivement. C'est l'apôtre Paul ici, hein. Actes des Apôtres, chapitre 13, ligne le verset 8, mon frère. Allons-y. Mais Elimas, le magicien, oui, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, oui, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Donc voici le proconsul qui appelle l'apôtre Paul et Apollos et Barnabas. Il désire entendre la parole de Dieu. Quand l'apôtre Paul est allé en train de parler des choses de qui concerne le royaume, Elimas, le magicien, était là. Il y avait ici le serviteur de Dieu, là le serviteur du diable. Là, un être humain qui veut comprendre l'évangile. Il a dit de parler, on dit Elimas, le magicien, leur faisait opposition. Écoutez très attentivement. Allons-y. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. À l'instant là, qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. On appelle ça les armes offensives. Vous avez entendu cela? On appelle ça les armes offensives. C'est pour ça que tout à l'heure il a dit qu'il devrait plus se produire avec autorité comme apôtre de Christ. Parce que les choses, les prérogatives liées à leur fonction leur sont données. Vous comprenez? Dans la partie séculière, quand on nomme quelque chose, on dit que les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Vous entendez cela? Donc, il a une autorité. Quelqu'un ne peut pas être officier de police judiciaire et qui n'a pas droit de signature. Parce qu'il est officier de police judiciaire, vous lui apportez un dossier qui signe ici. S'il met sa signature là-bas, il va rendre compte, pas vrai? Parce qu'il n'a pas droit de signature. C'est celui qui a droit de signature qui peut signer. Il peut avoir des commissaires de police même qui n'ont pas le droit de signature. Il prend un dossier, il peut avoir quelqu'un qui était un officier de police, je ne sais même pas commissaire, pour qu'il se passe, c'est lui qui a le droit de signature. Les apôtres ont les armes offensives et défensives de la parole. Ici, il a de parler, quelqu'un fait obstacle, il se tourne vers lui, déclare que l'aveuglement tombe sur lui. À l'instant, il a dit ça, la personne a été aveugle, là, à partir de tâtonnant. La Bible déclare que lorsque le proconsul, allons-y. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc c'est en frappant le gars là que le gars a compris que non, vrai, c'est le Seigneur qui s'est là directement cru lui tranquillement. Alors, les apôtres ont des armes offensives et défensives. C'est pour ça que c'est ça qu'il avait dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements. Regardez bien ce qu'il fait. Il parle, et il m'a demandé de le contredire. Il y a un moment donné où vous dépassez la ligne droite, le Saint-Esprit qui entre en action. La même chose va se produire avec l'apôtre Pierre. Vous voyez, n'est-ce pas? Avec Ananias et Saphira. Pendant qu'il est parlé, c'est comme ça, parler comme ça, il fait POM! La Bible dit, quand elle a fait ça, la crainte s'empara de tous. C'est pas ce que vous comprenez. Alors Jésus effectivement a dit à ses apôtres que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Donc la décision que vous allez prendre, c'est pour la terre. Il n'a pas donné ça à n'importe qui. Ce n'est pas à n'importe qui qu'il a donné. Ce n'est pas à n'importe qui. Il n'a pas dit à n'importe qui sur la terre que tu lis. Et tu dis que je lis les démons. Je lis les démons. Je lis. Je coupe, tu coupes, tu coupes les démons. Tu as la matière. Amen. Tu as la matière contre les démons. Pointe le doigt à quelqu'un. Pointe le doigt à quelqu'un. Tu as la matière contre les démons. Vous faites comme ça, vous découpez le taille, je taille de me taille de mon vous allez vous attache encore bien. On n'est pas honte. Il dit les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle comme apôtre, il te donne l'onction de cet apôtre-là. Tous ceux qui se marquent, qui tiennent contre toi, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il suffit d'une déclaration d'un apôtre et que ta vie là, ça change à cet instant-là. D'une seule déclaration. Vous comprenez? Maintenant, écoutez très attentivement. Si vous lisez, je vais vous donner plusieurs passages là-bas. Si vous lisez Jean chapitre 20, le verset 22. Quand Jésus va le trouver dans la terre, il y a que la personne avec vous, il va souffler, il va dire, recevez le Saint-Esprit. Quand il va dire, recevez le Saint-Esprit, il va dire, tous ceux à qui vous pardonnerez le péché sera pardonné. Dès qu'il a dit ça, recevez le Saint-Esprit dans Jean chapitre 20, verset 22. Le verset suivant dit, tous ceux à qui vous pardonnez. Je vous pose la question. Un prêtre catholique a reçu le Saint-Esprit? Non. Un seul prêtre catholique a reçu le Saint-Esprit? Non. A-t-il le pouvoir donc de pardonner le péché? Non. Vous voyez très bien que vous avez des problèmes avec les catholiques, n'est-ce pas? Maintenant, si vous lisez, je vous ai donné également le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 et 2 Corinthiens chapitre 7, n'est-ce pas? Je vous ai donné Actes des Apôtres chapitre 15, non? Et de manière que vous souligniez. Dans Actes des Apôtres chapitre 15 particulièrement, ce passage-là est mentionné là-bas. C'est-à-dire l'explication de ça est mentionnée là-bas. Il y a eu des tractations au milieu de l'église naissante sur la loi de Moïse. Si vous ne faites pas ce qu'on dit, la loi de Moïse, vous ne serez pas, sauvés. Les disciples vont se réunir à Jérusalem pour examiner cette affaire. Donc tous les anciens, tous les têtes donc, sont réunis là-bas. Dans l'assemblée comme ça, ils ont commencé à parler. Quand ils ont parlé, ils ont tiré, mais dans la conclusion. Il dit qu'il a plu au Saint-Esprit et à nous. Donc la décision qu'ils ont prise là-bas, c'était la décision finale que même au ciel, on a décidé que c'est comme ça qu'on doit décider. Vous savez ça? Alors maintenant, si les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils sont deux. Si ça colle sur toi, que tu sèches, tu vas sécher. Mais vous faites attention. C'est pour ça que les gens bavardent ici. Ils font n'importe quoi contre les enfants de Dieu. Vous ne comprenez pas que le plus important pour vous, c'est d'être scellé du Saint-Esprit. Amen. Si vous comprenez ça, vous allez y lutter. Et quand vous êtes scellé du Saint-Esprit, même si quelqu'un fait n'importe quoi de vous, à côté de vous, il ne peut absolument pas vous atteindre. Amen. C'est ça qu'il faut poursuivre maintenant, le baptême du Saint-Esprit. Dites-le ainsi que lorsque vous levez, parce que, écoutez très attentivement. Quand Israël était dans le désert, ils cherchaient à entrer à Canaan. Ils sont entrés avec difficulté. Et Canaan symbolise le baptême du Saint-Esprit. Quand tu y es, maintenant tu défends ton territoire. Les promesses de Dieu commencent à être réelles pour toi. Dieu commence à, le Saint-Esprit commence à prendre les armes de la Bible pour te parler. C'est-à-dire pour déclarer contre tes ennemis. Vous ne pouvez pas rester, comme la Bible déclare dans ces psaumes-là, qu'on ne peut pas chanter le cantique de l'Éternel sur une terre étrangère. Vous ne pouvez pas aller chanter les musiques de Dieu dans la boîte de nuit. Vous ne pouvez pas rester dans le monde étant sur le bois de ciel, le même bois. Entrez à Canaan. Dis à quelqu'un, entre à Canaan. Entre à Canaan. La terre promise. La terre promise. Où le lait et le miel. Où le lait et le miel. Là, tu vas revendiquer ton territoire. Amen. Depuis qu'Israël a son territoire, personne ne peut plus le bouger. Parce qu'il a pris le territoire. Ils sont entourés avec les ennemis partout. Regardez le cas d'Israël. Tout est entouré avec les Arabes, non? Ils ne peuvent absolument rien. Il y a le moment où Dieu élève des colonnes de feu là-bas. Vous savez ça? Des colonnes de nuit, ça bloque les chars ennemis. Là, en Israël. Parce que c'est son territoire. Alors, si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous êtes arrivé au lieu de l'éternité. À cet instant-là, si quelqu'un dit n'importe quoi de vous, en fait, Dieu vous maintient peut-être à ce que vous n'utilisez pas le Saint-Esprit n'importe comment. Vous comprenez? Quand vous ouvrez la bouche, si vous donnez une déclaration à quelqu'un, ce sera terminé pour cette personne par rapport à cette déclaration. C'est le Saint-Esprit que vous cherchez. Point quelqu'un dit, il faut le baptême du Saint-Esprit. Pas les sensations de chair d'épaule. Pas les sensations de chair d'épaule. C'est pas ça dont je parle. C'est pas ça dont je parle, d'accord? Je parle du baptême du Saint-Esprit dont parle la Bible. Alors, à ce nom-là, quand il a dit recevez le Saint-Esprit, il a dit que si quelqu'un vous fait quelque chose, si vous pardonnez, je pardonne. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 5. Il y a quelqu'un qui vivait avec la femme de son père. Il a dit qu'il n'était même pas présent physiquement, étant uni avec leur esprit, il a déjà jugé cette personne. Il dit que vous, et mon esprit, étant uni dans la puissance du Saint-Esprit, que cet homme soit livré à Satan. Donc, il était capable de te livrer à Satan. Tu tombes là, tu meurs. les âmes offensives et défensives. Au chapitre 7, donc, de 2 Corinthiens, quand cette personne s'y va se repentir, il a dit, ceux à qui vous pardonnez, moi je pardonne aussi. J'ai pardonné cela à cause de vous. Donc, s'il retenait ça, cette personne, c'était terminé pour nous. Amen. Des questions? Oui. Bon, je sais que ça peut faire l'objet d'un autre enseignement. Oui. Je veux juste que tu essaies de nous des questions un peu sur les expressions là. Oui. Le lien qu'il y a entre la conversion et la nouvelle naissance. Waouh. Bon, je sais que ça va prendre. Donc, mettons ça un autre jour de ces jours-ci, parce que l'une des choses, c'est cela. Il faut que vous savez ce que je veux dire, la nouvelle naissance et la conversion. D'accord? Donc, il y a la différence entre la conversion et la conviction théologique. D'accord? Que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis chrétien dans une maison chrétienne. Mon père s'appelle Emmanuel. Hein. On était catéchistes chez nous. Pointe quelqu'un. Il dit, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Voilà. Des questions, posez votre question. Je suis avec vous. Oui? Lorsque le papa avait demandé une expression, oui. Et il avait dit par la suite, je crois bien, qu'on ne peut pas suivre le dictionnaire. Oui. Ok, donc je vais expliquer maintenant. Ça veut dire que si vous voulez aller dans la Bible, vous voulez lire la Bible s'interprète elle-même. N'allez pas lire la Bible avec le dictionnaire mondain. D'accord? Ce que vous allez avoir, vous allez amener la confusion ici dedans. Parce que vous allez prendre la rose d'une certaine année. Ou regardez pasteur, on va dire pasteur non masculin. Pasteur, maintenant, Larousse modifié. Pasteur, on va mettre seulement nom. Quand on met nom, ça se pose qu'on peut prendre le féminin et le masculin. Donc il y a pastrice. Tu vas maintenant rentrer la Bible, tu vas dire que pourquoi le frère, je ne pense qu'il n'y a pas de femme passe. Parce que la Bible, votre dictionnaire vous a dit maintenant dit qu'il y a le féminin et le pasteur. Vous avez compris ce que j'avais dit, non? Donc la Bible s'interprète elle-même. Si tu ne comprends pas un mot, un verset va expliquer un autre verset. D'accord? Il faut seulement être patient. N'allez pas regarder que le mot, si il ne comprend pas ce que ça veut dire. Si vous prenez tous ces mots-là, chaque fois dans la Bible, vous allez remarquer très exactement. Maintenant, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que vous prenez une version biblique. Si vous lisez ici, vous ne comprenez pas, vous prenez une autre version, vous lisez le même verset. Ça va expliquer autrement. Ça va vous permettre de saisir ce que ça veut dire, le sens que ça veut dire. Vous prenez maintenant, à l'heure où de parler, si vous prenez un dictionnaire, vous allez regarder baptême, vous allez voir que c'est baptême. On va parler du baptême au préalable, on baptisait les gens dans le jeu. Il y a les baptêmes par aspersion, baptême par immersion. Ça se pose qu'ils contentent les catholiques et les évangéliques. Dieu n'est pas dans l'écuménisme. D'accord? Parce que même la dictionnaire montre qu'il y a un problème. Parce que baptême, ça veut dire plonger. Tu comprends? Si vous prenez encore la Bible, vous allez voir autant de choses, autant des anomalies. C'est seulement la Bible. Les gens, les chrétiens qui étaient avant n'avaient pas de dictionnaire. Ils lisaient ça, ils comprenaient, non? Votre dictionnaire dont vous avez besoin de Saint-Esprit pour comprendre la parole. Pas le dictionnaire inspiré par le monde, d'accord? Voilà. C'est ça qu'il est temps de vous la dire. Oui. Pour éclairer, il prend le mot. Oui. Théologique. Oui. Je suis ça. Oui. Le pasteur. Oui. Il prend le mot théologique. En grec, ça veut dire ça. Si vous prenez dans la rose, un tel, ce mot. On n'a pas, besoin de la rose. On n'a pas besoin de la rose pour comprendre la Bible. Encore qu'on n'a même pas besoin d'aller. Et dans l'étymologie du mot. Même si on a l'étymologie du mot, on n'a pas besoin de cela pour qu'on comprenne en réalité. Parce que même comme je vous donne le dit, baptême veut dire immerger. La Bible déclare que Jésus a quitté Galilée pour aller dans l'eau où il y avait beaucoup de pour être baptisé. Lorsqu'il est entré dans l'eau, lorsqu'il sortit de l'eau, tu comprends qu'il est entré, il est sorti, non? Voilà, on n'a pas porté l'eau pour venir sur sa tête. Comme il est grand, on va sur sa tête comme on a fait avec Nico, avec Constantin. Donc, même étymologiquement, on n'a pas besoin de connaître le grec pour comprendre. Parce que c'est écrit en français, non? Voilà, Dieu avait dit que la parole va remplir sur toute la terre. Ça veut dire qu'il savait que c'était plusieurs langues. Si c'était plus une seule langue qui voulait qu'on parle, on devait donner la même langue partout. D'accord? Donc, en fait, si vous prenez la Bible, Dieu veut que vous compreniez, vous allez comprendre de toutes les façons. Puis c'est ici qui était là, quand il est mort, il est ressuscité, on dit qu'il ouvrit l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Donc, en clair, c'est Christ qui va ouvrir ton esprit pour que tu comprennes les Écritures. Si tu ne t'ouvres pas, oublie l'affaire. Puisque les gens qui ont lu ça, qui ont même traduit, eux-mêmes, ils ont du mal à croire. Comment quelqu'un qui traduit la Bible ne parvient pas à croire? Il y a des francs-maçons qui ont écrit ça. Pas vrai? Continuons. Oui. Jérémie 3, verset 1. Jérémie chapitre 3, verset 1, par rapport au divorce, au mariage, remariage. Afin qu'il parle, il meurt, il part chez un homme et revient. Mais en fait, je voulais savoir, c'est sous prophétie ou on s'adresse aux hommes. Tu parles de ce qu'est l'homme qu'on parle. Non, parce que quand il parle de l'homme, oui. Il parle d'Israël à l'homme. Oui. Quand je voulais savoir, est-ce que c'est une prophétie ou alors est-ce que ça s'adresse aux hommes comme nous? Ça s'adresse aux hommes, d'abord. Aux hommes comme toi, là, pas possible. Comme quand tu me dis, il dit encore que c'est pas possible. Donc ça montre clairement que les troisième pieds que vous allez les maintenir au garde à vous. Vous n'allez pas aller n'importe comment, aller choquer à gauche, choquer à droite comme ça là. Vous avez une femme, c'est une femme, un homme, une femme. Chacun doit rester à sa place au foyer. Les questions? Oui, concernant l'adoration et la louange. Oui. Bon, on a toujours montré l'adoration comme une forme de musique plus ou moins douce. Et la louange, une forme de musique, bon, c'est lâche complètement. Je danse tout et rien, je veux savoir. Vous êtes fatigué parce que ceci. Il faut qu'ils prennent du temps dans les écritures pour ceci. On prend 2 minutes et puis on revient. On va voir ce que c'est que l'adoration biblique. D'accord? 2 minutes, à tout à l'heure. Prenons 2 minutes, on se repose, à tout à l'heure, il revient. 2 minutes, vous relaxez dehors, vous prenez un peu de l'air et puis vous revenez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître. Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, pour heureux je courrai, courrai vers ta maison. Aleluya.